grown-ups down. Don't have to move your head. Don't have to move your head. Don't have to move your lips. Just shake your hips. I know the hip shaking, baby. Do the hip shaking, baby. Do the hip shaking, baby. Do the hip shaking, baby. And if you don't know, don't be afraid. Just listen to me and do what I say. Don't move your head. Don't move your head. Don't move your lips. Just shake your hips. Do the hip shaking, baby. Do the hip shaking, baby. Do the hip shaking, baby. Shake your hips, baby. Now and not here. Chaque jour elle me tente. me lamente. Au fil des saisons, ma passion s'apparente à une obsession et je prie pour que la menthe d'un cocktail irisé un beau jour enfante le fruit de nos baisers. Une intelligence surhumaine, des connaissances venues d'ailleurs, ainsi que de mystérieux pouvoirs. Now, here comes the music. We're online. Stereo 96.2 MHz. Texas, a honky tonk in any way. Making my bands play, where did you my wedding hell? Just turned 17, boom, bass and baby girl. You're getting down, you sing so far gone. Got mad again, live on my vertigoes. Red lights start flowing, all over the ride. Something wrong, fools is blown, take it for the daylight. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, vous êtes dans l'émission Mavrika, tous les vendredis soirs à partir de 20h30. On a pris l'antenne, on s'est installé, il y a un invité ce soir, comme tous les vendredis soirs, et on a débuté justement cette émission avec Phil Twangy et Long Tom, voilà, un groupe qu'on suit depuis plusieurs années déjà, on se connaît déjà depuis pas mal de temps, ils sont déjà venus au moins deux fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et le morceau qu'on a écouté s'appelle Shake Your Hips, juste après c'était Jack F, alors lui, le nombre de fois qu'il est venu avec différents projets, on les compte plus dans l'émission Mavrika, et le morceau qu'on a écouté de lui s'appelle La Menthe, juste après. Après, un groupe qu'on ne connaît pas encore tout à fait, on connaît bien ce morceau-là parce que je le diffuse assez régulièrement. Le morceau s'appelle Long Shaker et le groupe s'appelle Zbla. Et tout à l'heure, je vous dirai, parce qu'ils vont passer dans quelques semaines chez nous, ben, la semaine prochaine, voilà, je suis en train de regarder en même temps, la semaine prochaine, donc ils seront chez nous dans les studios Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter leur travail. Ça sera une grande découverte. Juste après, on a écouté aussi les Blues Factory avec Young and Dumb, les Blues Factory qui sont venus au moins deux fois aussi dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Ils ont participé aussi à Mavrika Live. Depuis le début de l'année, donc depuis la rentrée scolaire simplement, depuis le mois de septembre, on a reçu pas mal de groupes. On avait commencé avec l'émission 420, c'était le groupe Cardioïde. Ensuite, il y a eu les West Orleans, les Ailes au Nord. On avait fait une émission spéciale pour l'événement Ensemble Maintenant. On a reçu aussi le duo Scarlet Black. On a reçu aussi le projet pour les enfants. D'ailleurs, on était tous devenus des enfants à ce moment-là. C'était Chris qui nous a présenté le projet Kazuzu. Le 18 octobre, nous avons reçu ici les Burning Head. Voilà, dont la musique de fond fait partie de leur morceau. Voilà, c'est un instrumental sur lequel je présente cette émission depuis pas mal de temps. Donc le 18 octobre, les Burning Head étaient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Enfin, ils n'étaient pas tous là, mais il y avait quand même Jean-Benoît qui vient assez régulièrement donner des nouvelles de ce groupe qui continue, même s'il y a eu des petits changements. Et on écoutera tout à l'heure un petit morceau aussi des Burning. Le 25 octobre, c'était Odeon, découverte dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. La semaine dernière, c'était le deuxième passage des Hype Me. Voilà. La semaine prochaine, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le groupe Zbla qui sera ici. Alors, je sais pas si ça se prononce vraiment comme ça. On leur demandera, justement, la semaine prochaine. Le 22 novembre, ça sera Tia, donc, les vainqueurs du tremplin de Jarjou, voilà, cette année. Le 29 novembre, le nouveau groupe de personnes qu'on a déjà reçues dans d'autres groupes. On vous rentrera plus dans le détail dans quelques temps. Il s'agit de Orpheum Black. Le 6 décembre, on avait prévu de recevoir notre ami Hervé Deroff, mais son album n'est toujours pas prêt et il prend un petit peu de retard, donc il nous a dit voilà, j'annule, mais je viendrai plus tard, dès que l'album sera sorti il viendra nous le présenter. Il est déjà venu à 3 reprises ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, ça sera la 4e, et sachant qu'il vient aussi de Brest, donc spécialement pour nous présenter son album. À la place, eh ben, on a invité un groupe qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps qui s'appelle 41. Le 13 décembre, ça sera les Mockingbird, et le 20 décembre, on aura le retour de La Jarry dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà. On peut en parler aussi pour l'an 2020, donc on a déjà des gens qui sont programmés. Il y aura le duo Duke, il y aura Mieux Seul, Les Vilaines Choses et Antoine Ménager. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica. We'll Voilà, j'aime bien passer ce morceau-là, hein, parce que depuis que je l'ai découvert, je trouve qu'il vaut vraiment la peine. Et en plus, c'est un groupe. Alors, je vais vous raconter les petites histoires. C'est que quand j'ai commencé l'émission Mavrika, quand j'ai commencé à recevoir des artistes dans les studios, il y avait un groupe qui s'appelait les Ocean Wild. Et le chanteur des Redshift était l'ancien chanteur des Ocean One, un groupe orléanais. Mais bon, le chanteur justement est parti, c'est Thibaut il s'appelle, il est parti à Paris, donc le groupe Redshift c'est un groupe parisien. Par contre il sera en concert très bientôt, je regardais tout à l'heure, je pense que notre ami Didier va en parler très bientôt, forcément je vais pas le retrouver là, voilà. Donc il sera en concert justement avec Orpheum Black, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure aussi. Il y aura aussi un groupe qui s'appelle Nogus et ça sera le vendredi 22 novembre. Donc c'est très bientôt et si vous aimez ce genre de musique comme ça, vous pourrez venir donc les voir. On en parlera dans l'agenda de Mavrika. Justement, on va retrouver notre ami Didier. Ça va Didier ? Salut Albino, bonsoir tout le monde. En pleine forme ? En pleine forme. En pleine forme, ça, un petit peu stressé peut-être ? Non, même pas. Donc même pas. Parce que demain il y a un événement et on est en train de préparer tout ça, on arrive dans les dernières heures, mais on est confiant, ça va bien se passer. Ouais, ça va bien se passer, il y a pas de raison. Il y a pas de raison. Ça s'est toujours bien passé, donc une fois de plus. C'est ça, c'est rodé, ça tourne. C'est rodé, ça tourne, voilà. Aujourd'hui, je l'ai pas annoncé tout à l'heure parce que j'arrivais à la fin de la musique, mais j'ai l'habitude d'annoncer notre invité de la journée, il s'agit de Léo. Oui, tu l'as pas dit. Je l'ai pas dit. Et c'est vrai que je le dis tout le temps et aujourd'hui, j'arrivais à la fin de la musique. Elle m'a dit qu'elle était vexée. Elle est vexée, elle est dessus. Je sais pas. Non, j'ai mis le micro et elle parle pas. Tu vois, elle parle pas. si on va lui mettre le micro et puis on va lui dire bonjour en tout cas. Salut Léo. Salut. Ça nous fait vraiment plaisir que tu reviennes ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. T'es déjà venu une première fois, je me souviens plus la date exacte. Tu te souviens ? En décembre. L'année dernière. Ouais. La date exacte, je ne sais plus. Je crois que c'était autour du 21, quelque chose comme ça. Il me semble. Bien, on regardera. De toute façon, on a tout. On garde tout. Tout est écrit. Ça fait partie de l'histoire du rock'n'roll sur Orléans. Donc, du rock'n'roll et de la musique en général. Parce que, effectivement, il n'y a pas que du rock'n'roll dans l'émission Mavrika, mais il y en a quand même pas mal. Et donc, depuis, c'est passé pas mal de choses et tu es là pour nous en parler. C'est ça. Voilà. On va parler aussi à la personne qui est venue avec toi aussi. Il s'agit de Bérénice. Ça va Bérénice ? Ça va, bonsoir. On a écouté tout à l'heure justement, j'ai pensé aussi les Blues Factory, parce que tu les as suivis pendant pas mal de temps. Oui. Voilà, et puis aussi The Patient. Oui. Et aujourd'hui, tu suis Léo. Je suis Léo. Très bien, ça nous fait vraiment plaisir. Après, il y a aussi une autre personne qui est là, elle est derrière ses instruments, parce qu'elle est venue avec des objectifs, des appareils photo et tout ça. C'est notre ami Michel Fusée. Ça va, Michel ? Bonsoir. Tout va bien ? Tout va bien. Tu vas filmer, tu vas prendre des photos, tu vas faire plein de choses. Filmer Léo ? Bah oui, il faut. Hein. On a cette chance-là ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, c'est justement d'avoir des artistes qui jouent en direct live. Et puis comme ça, on aura des souvenirs. Ça restera dans l'histoire encore cette fois-ci. Cette émission numéro 429, c'est ça, hein ? C'est ça. Je ne me suis pas trompé. Non. Voilà, 429e émission. On arrive bientôt à 500, hein. Et bientôt, ça sera 10 ans. Il y en a encore 60 ans, on va faire. Ouais, mais dans un an à peu près. Mais avant ça, on arrivera aux 10 ans de l'émission. Oui. Au mois de juin. Je ne me souviens plus si c'est le 3 ou le 4. À chaque fois, je ne m'en souviens on pas. On fera les deux. On fera les deux. Un coup le 3 et le 4. Et après, il faudra voir quelle émission tombera autour du 3 et du 4. Hein. Normalement, on fait jamais ça avant, on fêtera ça après. Quoi. Il faut, c'est à toi d'organiser l'émission qu'il faut ce jour-là. Ah ouais, il va falloir une bonne émission. Voilà. Ouais. Très bien, une émission très longue, parce que si on veut mettre tout ce qu'on veut mettre dedans... On fera venir Michel Sardou. D'accord. Ok. Voilà, donc on va commencer à s'adresser à notre invité, donc Léo. Alors, tu étais venu donc au mois de décembre l'année dernière, ça je m'en souviens, le jour exact on le regardera tout à l'heure. Et un vendredi. C'est un vendredi, ouais. Ça c'est clair. L'émission Mavrika, c'est toujours le vendredi. Et à cette occasion-là, donc tu nous avais parlé de toi, c'était la découverte. Aujourd'hui, je pense que les gens qui ont écouté Mavrika te connaissent un petit peu. Les gens qui suivent un peu les artistes de la région te connaissent aussi un petit peu. Mais on va quand même résumer un petit peu ta carrière. Alors toi, tu fais de la musique depuis combien de temps ? Alors, je fais de la musique depuis aujourd'hui, je crois que ça fait 6 ans, si je compte toujours bien. Enfin, à peu près, quelque chose comme ça. Donc, pour redire un peu mon parcours, j'ai commencé du coup quand j'étais au lycée. Donc, au club musique de mon lycée, où j'ai commencé par le chant, en fait. Et j'ai joué avec du monde, un peu comme ça, au lycée, après en arrivant à la fac. Et après, bah, j'ai développé mon projet Léo en fin 2017. Très bien. Voilà. Donc c'est un projet quand même assez récent. Donc tu as déjà fait des concerts, on t'a déjà vu. Moi je t'avais rencontré, c'était à Jarges-aux-Plages, on en a parlé tout à l'heure aussi. Donc là on s'était rencontré, on avait échangé un petit peu nos coordonnées et puis on a fait la première émission. Là aujourd'hui tu viens en plus pour nous présenter quelque chose parce que depuis tu as travaillé, tu as fait des concerts. Oui, ouais, il y a eu pas mal de concerts aussi cette année. Et oui, du coup, il y a eu pas mal de nouvelles choses aussi, donc notamment un nouvel EP qui est sorti le 10 octobre. Donc c'est tout récent. Voilà. Et il y a encore du coup des clips qui vont sortir, dont un qui sort dans 2 semaines. Très bien. Donc la semaine prochaine. La semaine prochaine, tu m'avais dit ça tout à l'heure. Effectivement, donc on est à l'affût, on attend que le clip soit diffusé, et là on le partage au maximum, quoi, pour que tu aies le maximum de vues, quoi. Voilà. Très bien. Donc des concerts, il y a eu le clip, donc il est déjà fait, tout est dans la boîte et tout ça, oui. Ou il y a encore des petites retouches à faire? Alors il est déjà fait, il a été tourné cet été, donc on l'a tourné à Issoudun, donc dans l'Indre, c'est là d'où je viens, où j'ai grandi, quoi. Mmh. Et en fait, donc je l'ai tourné avec des vidéastes qui font partie d'une association qui s'appelle Higher Bands. D'accord. Et qui sont basés à Blois, que j'avais rencontré du coup parce que j'avais fait une captation live dans les studios Pôle Nord à Blois en mai, avril, enfin par là, quoi. Ouais. Et du coup, j'aurais demandé s'ils étaient partants pour faire le clip avec moi. Donc, ils étaient partants. On a fait le clip ensemble. J'ai aussi fait intervenir du coup la personne qui avait fait mon premier clip, qui s'appelle Lola Sandrier, avec qui on a fait du coup les visuels de l'EP, le premier clip. Et donc, on a fait ça tous les quatre. Ce clip. Voilà. Très bien. Là, ce que je regardais aussi, c'est que tu es un peu comme les grands peintres. Tu as des périodes avec des couleurs, non? C'est comment ça se passe? Parce que le premier EP que tu t'es venu défendre la première fois, c'était un EP qui était plutôt rouge, qui vire un peu vers le violet. Et puis cette fois-ci, c'est carrément le bleu. Voilà. Donc il y a des périodes comme ça ou c'est volontaire ou pas? Alors, le premier, pour l'histoire du premier EP, à la base, j'étais partie sur, dans ma tête, c'est allait être quelque chose de très blanc, très très sobre, un peu noir et blanc. Et au final, en fait, en faisant les photos avec mon amie Lola Sandrier, le rose rouge s'est tombé un peu comme ça. Et au final, ça tombait très bien. On s'attendait pas à avoir ce résultat de couleur, mais tout a fait que c'est tombé comme ça. Ça tombait bien en fait cette couleur et donc on a travaillé là-dessus et ça a donné du coup cette première pochette et ces premiers visuels dans ces tons-là. Et pour le deuxième, donc entre-temps on a tourné le premier clip sur le titre Cadom où il y avait déjà des apparitions de bleu et en fait cet EP qui s'appelle This Night, le nouveau qui est sorti le 10 octobre, on avait toutes les deux l'idée du bleu et voilà, ça s'est fait comme ça en fait. On est parti sur ça. Très bien. Je crois que tous les projets artistiques, quels qu'ils soient, là c'est pour la photo ou alors la musique et tout ça, on a toujours une idée en tête et finalement des fois on dérive au fur et à mesure de découvertes. Donc pour la musique ça peut être un son qui va te donner envie de faire autre chose, etc. Et là finalement vous étiez parti sur du noir et blanc et vous avez viré au bleu. Oui, voilà. Il y a des trucs comme ça, je crois que pour détecter certaines substances, et on met un produit qui vire au bleu aussi, non? Voilà. Ça c'était un petit peu d'humour, ça rien à voir du tout avec l'album. Voilà, je propose qu'on écoute un petit morceau parce qu'on discute déjà depuis pas mal de temps. C'est un morceau qui a été enregistré ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel lors de ton dernier passage. Donc c'était l'émission numéro 386, voilà. Et c'était une reprise, c'est une chanson qui s'appelle Jimmy. Ok. Voilà, ok. Tu l'as jamais réécouté? Je crois que je l'ai réécouté, mais une fois. Une fois, voilà, c'est j'ai tout. Pas trop réécouté. on va l'écouter, ça va nous remémorer un petit peu. En plus, c'est une très belle chanson, en tout cas. C'est parti. C'était parti. Non, c'est parti, ça vient. Ah. Come home, the grass is green and the the buffalo's wall. Come see Jimmy, you Uncle Jim, your Auntie Jimmy and your cousin Jim. Come home, Jimmy, cousin in the bus, and Grandpa Jimmy is still gone down. Now there's Buffalo Jim and Buffalo Jim and Jim Buffalo, no, didn't you know? And Jimmy is loud cigarette, and there's Buffalo piercing his sock kind of way. Jumbo Jimmy, you better you know, and now the dust rolls with the Buffalo song. And the Buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, run where you run. The buffaloes used to say, do what you do. You got the hard words, but you can't clean them. You know, call Jimmy, you've been Jimmy just the same. The keys are in the bag in the chaise by the door. And one of Jimmy's friends taken the floor. Oh, Jimmy, I want you please come home. Where the grass is green and the buffalo's warm. Dear old Jimmy, you fuck out of your young. But you can't ignore the buffalo song. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, well, buffaloes used to say, do what you do. Voilà, donc c'est séquence souvenir, donc c'était il y a un peu moins d'un an, c'était au mois de décembre lors du dernier passage de Léo ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors c'est une chanson qui s'appelle Jimmy et c'est une chanson que j'ai entendue dans un film une fois. Qui c'est qui a interprété cette chanson-là? Alors je sais dans le film je sais pas, tu mais sais c'est, pas. c'est une musique du groupe Moriarty. Ouais, oui, ouais. Tout à fait, c'était ça, parce que moi j'avais cherché, hein, il y a des applications sur le téléphone qui nous permettent de retrouver les artistes qui interprètent, donc j'avais bien reconnu cette chanson-là, et j'avais vu dans une chanson, elle revenait assez, dans un film où la chanson revenait assez souvent, et donc c'est vrai qu'elle est très belle cette chanson-là. Ouais, voilà. J'aime beaucoup. Très bien, en plus l'interprétation qu'on vient d'écouter. Alors Teresa me disait, puisque Teresa, elle fait l'émission juste avant, et reste un petit peu pour voir aussi les artistes que je reçois, et elle me disait, cette chanson-là, je l'avais en écouté plusieurs fois, parce que c'est une très belle chanson et d'ailleurs elle connaît bien les paroles, elle fredonnait ici du côté de la vitre. Voilà. Donc voilà cet enregistrement. Je propose qu'on écoute maintenant un petit morceau du premier EP. Allez, on fait comme ça. Ça marche. Il y a un morceau préféré, non? Parce qu'il y a trois morceaux dedans. Bien, Kadom, si c'est celui que j'ai calé. Donc voilà, on est vraiment en phase ce soir et on écoute donc tiré du premier album, le premier EP, je veux dire, parce que album, oui, c'est un album, c'est un long player ou un. Ouais, voilà, c'est ça. Player, en limite. Hein. Et l'EP, c'est la version plus courte. Ouais, c'est la version courte et on va écouter le morceau Kadom. First, when I met you for the first time, I didn't guess my own action. And then it was us, we talked in 7 days and we let us down. So let us down. I was wrong. One day you called me. I never know, never know why. But I miss to you. I miss to you. I need to know. I need to know. What are you? Donc le morceau du premier EP, voilà, il s'appelle Kadom, et c'est notre invité Léo ce soir qui est là. Alors est-ce qu'on t'a déjà dit que t'avais une voix qui est relaxante et bien agréable, quoi. On est bien qu'on écoute Léo, moi je trouve. Bah merci, c'est gentil. Je pense que tout le monde est d'accord ici dans les studios. Pendant qu'on écoutait cette chanson-là, j'ai cherché un petit peu justement le film que j'avais vu. C'est un film qui s'appelle Gemma Bovary, et c'était un film avec Patrice Lucchini. Voilà, je l'ai vu dernièrement, et cette chanson-là revenait assez régulièrement. Donc il est sorti il y a longtemps un peu. Enfin, ouais. Ouais, je crois que je l'avais vu. Ouais, je l'ai vu à télé un après-midi, ouais, comme ouais. Ça il le diffusait. Je suis tombé dessus, j'ai regardé effectivement avec ce grand, très grand acteur. Et puis il y avait cette chanson qui revenait sans arrêt, et ça me l'a remis un petit peu en tête. C'est pour ça que ça m'a fait du bien de l'écouter tout à l'heure aussi. Voilà. J'espère que ça fait du bien à tous les auditeurs. Depuis ton dernier passage, c'était donc au mois de décembre l'année dernière. Est-ce qu'il y a un concert qui t'a marqué plus qu'un autre ? Parce que tu en as fait plusieurs. Alors, oui. Alors, est-ce qu'il y en a un qui m'a marqué plus que les autres ? Ouais, il y en a un que je garde un souvenir un peu, enfin, pas étrange, mais. Mais pas pareil que les autres, c'était pour la première partie du groupe Les Frangines. Mmh. C'était à Blois pour les délires d'été. Et donc Les Frangines, c'est un groupe de variétés chansons françaises qui commence à être pas mal connu du coup. Et c'était la première fois que je faisais une aussi grosse première partie. Et donc je suis arrivée et on était dans les loges et j'avais pas trop vu le monde arriver. Et en arrivant sur scène, ça m'a fait très bizarre parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de personnes. Il y avait absolument pas d'espace vide. Et il y a eu cette sensation un peu étrange de jouer devant absolument que du monde. Mais il va falloir s'y habituer, je pense, hein, parce que j'espère que les salles seront toujours combles comme ça. Après, c'est vrai que dans l'histoire, moi j'ai vu beaucoup d'artistes qui faisaient des fois des salles où il y avait plein de monde, et deux jours après, ils faisaient ça dans un petit bar, et puis il y avait personne, quoi. Je crois que ça, tous les artistes ont déjà connu ça à un moment ou un autre. Alors des fois, bon, c'est vrai que le moral est un peu bas quand justement il n'y a pas beaucoup grand monde, mais alors qu'on arrive dans une pièce qui est complètement remplie comme ça a été le cas, donc je suppose que c'était super bien, quoi, pour toi. Ouais, après les salles où il n'y a pas grand monde, ça me dérange pas non plus, parce que quand je fais un concert, je pars du principe qu'il y ait trois personnes ou ou je sais pas, 1000, 2000, je fais le même concert et j'ai envie de leur donner la même chose. C'est juste que quand il y a, ouais, y a plein de personnes, tu dis, est-ce que tu vas suffire pour leur donner assez? Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu un peu. Enfin, il doit y avoir plus de pression quand même quand il y a beaucoup de monde. Oui, après, souvent, ouais, quand il y a beaucoup de monde dans des gros concerts comme ça, on a souvent une grosse équipe technique derrière, donc ça aide pas mal à décompresser, à avoir un espèce de confort. Mmh. Moi, il y a un petit souvenir qui me revient, que j'ai déjà relaté plusieurs fois ici dans l'émission. C'est une fois, j'avais été à un concert, ben, à Orléans, dans un endroit que je citerai pas, à la limite, parce que il y avait un artiste londonien qui s'appelle Jake Morley, que les gens souvent connaissent, qui joue de la guitare. Il a une particularité, c'est qu'il joue avec la guitare, elle est couchée sur ses jambes. Ben, il joue un petit peu comme les guitares hawaïennes, hein. Et il s'accompagne. Et ce jour-là, j'étais dans un concert, il y avait lui, il y avait moi. On était tous les deux. Et à la fin, bon, il a fait le concert avec une seule personne. Faut quand même, moi je dis, c'est super. Alors là, j'avais vraiment un concert privé. Et à la fin, je lui ai acheté son album et il me l'a signé. Il m'a mis en anglais. Merci de m'avoir écouté. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était super. Ce qui n'empêche pas que c'est, pour moi, il reste un très grand artiste. Et quelques temps après, il a fait des concerts où il y avait énormément de monde. Donc voilà, c'était peut-être un jour un petit peu creux. Et bon, c'est quand même mieux quand il y a une belle scène, quand il y a des gens qui sont là à t'écouter et puis à reprendre peut-être des chansons avec toi. Oui. Parce que donc là, ce que tu as enregistré, c'est tous des compositions. Mm. Mais tu fais aussi quelques reprises. Oui, voilà, ça m'arrive de faire quelques reprises pour les... Quand on me demande de jouer un peu plus longtemps, en général, je fais des reprises. Comme ça me permet aussi d'interagir un peu plus facilement avec le public et de me faire plaisir aussi sur quelques chansons que j'aime. Ouais, parce que c'est les chansons que tu aimes, que tu décides de reprendre. Et c'est peut-être comme ça que tu as commencé aussi. Oui, exactement. C'est comme ça que j'ai commencé par des reprises. Une reprise d'ailleurs que je joue toujours, j'ai commencé par la chanson Ragamuffin de Célassou. Mm-hmm. Et oui, donc au début c'était au club musique, on faisait des reprises. Et quand j'ai commencé ce projet là aussi, j'avais très peu de compositions, je devais en avoir une ou deux et je faisais beaucoup de reprises. Très bien. On écoute un des premiers morceaux de ce nouvel EP. D'accord. Donc c'est un EP qui a, au lieu de 3 morceaux, il y en a 5. Mmh. Donc voilà, petit, progressivement tu vas arriver aux grands albums, double CD, etc. C'est double ça, face. Il y en aura 20, personne ne va rien comprendre. Avec le DVD en plus, <C'est ça. rire> le coffret. On commence par quel morceau justement? Alors l'album s'appelle This Night. Mmh. Donc tu parles de la nuit de ce soir, hein. Bah, c'est ça. C'est une nuit très transition, non, mais c'est une histoire qui parle d'une nuit, un peu la représentation d'une nuit. Mmh. J'écris aussi la nuit et j'aime bien en fait cette idée. Je trouvais que cette musique, elle est un peu différente des autres, du reste de l'EP. Et elle donne un peu la couleur. Du coup, je trouvais ça vraiment intéressant de le mettre en titre, voilà. D'accord, tu veux qu'on commence par ce morceau-là ou tu veux qu'on fasse l'EP dans l'ordre? On peut commencer par ce morceau-là. Ok, bah, il suffit, allez, de me le demander, hein. Moi je suis, hein, c'est ton émission. Voilà, donc aujourd'hui l'émission émission Mavrica numéro 429, et notre invité est Léo, et on va écouter donc le premier morceau de son nouvel EP qui s'appelle This Night. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica. This night's immersed in the realm. d'infarct. Playing music, drinking till the break of dawn. Till the break of dawn. As a shelter, you covered me of kindness. Shame lies the vision. As your world is mine, my world is yours. I remind sense and sight. You burn to use. But remind you to never look back. Donc, premier morceau que nous écoutons de ce nouvel EP qui s'appelle This Night. Et c'est un morceau qui s'appelle This Night, voilà. C'est notre ami Léo qui est notre invité ce soir dans l'émission Mavrika. Et on va continuer à lui poser quelques questions. Donc, le premier EP, il a été enregistré au studio Mea Culpa, voilà. Donc, le studio de la Jarry, hein, la Jarry qu'on va recevoir très bientôt. Et le deuxième EP, là, donc, qui vient de sortir le 10 octobre, il a été enregistré où? Donc, il a été enregistré donc, chez un particulier qui s'appelle Vincent Carlier, donc, qui a un studio qui s'appelle Studio de la Commanderie. Mmh. Et voilà, c'était une rencontre qui s'est fait un peu comme ça. Voilà, j'aimais bien son travail. Et... Mmh. Donc vous avez discuté, vous avez décidé de faire le l'EP ensemble. Comment ça s'est passé? C'est un particulier. C'était chez lui que tu as enregistré ou il a un studio quand même? Alors il a un studio aménagé juste à côté de chez lui en fait. Et du coup bah la rencontre s'est faite, c'était lors de la résidence que j'ai fait à l'Argonaute. Mm-hmm. Où j'ai fait une petite restitution avec des invités et Bérénice avait invité du coup cette personne qui s'appelle Vincent et du coup voilà, il m'avait vu en concert, on avait discuté un peu et il m'a dit bah j'ai un studio si tu veux je peux faire ton EP, ça t'intéresse, etc. Donc moi, j'avais demandé de m'envoyer ce qu'il avait déjà fait avant et j'avais bien accroché à son travail et voilà, ça se fait comme ça. Très bien, donc voilà, je crois que c'est la première fois qu'on parle dans les studios Radio Arc-en-Ciel de ce studio-là. Mmh. En tout cas, le résultat est très bien, hein, donc on peut dire aux gens que s'ils veulent enregistrer, bah, ça fait un endroit de plus sur Orléans où on peut enregistrer donc un CD. Combien de temps ça a mis à être enregistré? Alors on a fait ça assez rapidement, on a mis 3 jours à le faire. Mm-hmm. Donc on a réparti sur 3 soirs l'enregistrement, juste l'enregistrement du coup de oui, juste la prise de la capture, puisqu'après derrière il a dû remixer, je sais pas exactement, il met plein de choses quoi, c'est une personne qui... Il y a eu d'abord une première phase d'enregistrement, donc on a fait pendant ces 3 jours, et après il y a eu du coup une période de mixage où c'est lui qui a travaillé de son côté, qui m'a envoyé. On avait un peu défini ensemble l'esthétique qu'on voulait donner à cette EP, du coup au niveau de la couleur un peu des sons, et après il y a eu un léger mastering de fait. Mm-hmm. Tu t'accompagnes à la guitare. Est-ce que l'enregistrement a été fait la guitare d'abord, les paroles ensuite, ou les deux en même temps? D'abord la guitare. Ah ouais, d'accord. J'ai d'abord posé la guitare. Enfin, je dis ça comme si j'avais fait un gros bloc, non. Ouais, en fait, ouais, on a posé le plan. On a enregistré d'abord les parties de guitare et après, par-dessus, j'ai enregistré les voix un autre jour, du coup. D'accord. Voilà, comme ça, c'est une question que je me posais, parce qu'effectivement, tu t'accompagnes toi-même à la guitare, donc est-ce que ça aurait pu être fait au même temps? Oui. Et là, effectivement, il a capturé le son indépendamment pour pouvoir après l'avoir peut-être plus pur, et je sais pas, mais j'imagine. En tout cas, le résultat est très bien, on va continuer à découvrir cet album, parce qu'il y a 5 morceaux. Et tu vas aussi nous interpréter des morceaux en direct live ce soir. Voilà. Tu as amené ta guitare, tout à l'heure tu étais dans les couloirs en train de l'accorder et puis en train de t'échauffer un petit peu la voix. Ce que je propose, c'est qu'on écoute un deuxième morceau et puis après, si tu veux nous interpréter donc des morceaux en direct live, ben, l'antenne marche. Est à toi. Ok, on écoute lequel le morceau ensuite? On peut écouter Mélodie. Donc voilà, bah c'est le morceau juste après, donc on y va. Donc c'est le morceau numéro 4. Ah bah c'est le meilleur. Ah oui, c'est le 4. C'est le 4. Nous, on est tradition ici dans l'émission, c'est que quand on a un album, des fois on sait pas, on l'a pas vraiment écouté, ou on n'a pas pris le temps de l'entendre. Pour le découvrir, souvent on prend la piste numéro 4. C'est comme ça. Et souvent on s'est rendu compte que on n'est pas déçu. Souvent il y a des morceaux de la piste numéro 4 qui sont les meilleurs. Donc peut-être celle-là, ça sera le tube. Voilà. Je sais pas. C'est la 4. Très bien, on l'écoute tout de suite et puis tu vas te préparer pour nous interpréter des morceaux en direct live. C'est parti, on écoute donc le deuxième morceau de cet album qui s'appelle Mélodies. Poussé par cette envie de vivre, tu t'engouffres dans des mélodies. Poussé par cette envie de vivre, tu t'engouffres dans des mélodies. Assoiffé par ce désir brut, tu esquisses tes plaisirs. À l'aube de ta vie, t'as toutes les cartes en main, tu traces déjà ton avenir. 18 ans à peine, choisis ce que tu veux faire, on dit bats-toi et assume-toi. Mais toi tu veux vivre d'un spleen à l'autre, tout ça est si loin. Tu joues jour après jour à tue-tête. Expose tes mains, ton corps n'est plus tien. Et tu joues jour après jour à crever. Et tu sens, tu cries, tu vis, tu jouis. Et enfin tu t'assoupis. C'est par cette envie de vivre, tu t'engouffres dans des mélodies. Poussé par cette envie de vivre, tu t'engouffres dans des mélodies. Assoiffé par ce désir brut, tu esquisses tes plaisirs. C'est si doux, ce sourire esquisse, sans triche que tu t'appropries. Alors, tu joues des mélodies, oh, tu joues des mélodies, oh, tu joues des mélodies, oh, tu joues des mélodies. Oh, tu t'engouffres dans des mélodies. Poussé par ses cette envie de vivre. Tu t'engouffres dans les mélodies, assoiffé par ce désir brut. Tu esquisses tes plaisirs. Deuxième morceau de cette EP qui est sorti le 10 octobre de Léo, voilà. Et le morceau s'appelle Melodies et l'album s'appelle This Night. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika et on va retrouver Léo qui s'est préparé pendant cette chanson pour nous interpréter un morceau en live. Voilà, tout est ok. Tu as assez de micros, t'en as deux pour la voix. Aujourd'hui, on a ce qu'il faut, hein, donc t'es toute seule à chanter. Et puis il y a aussi un pour la guitare, puisque tu t'accompagnes en même temps. Et tu vas nous interpréter quoi comme morceau? Donc je vais vous interpréter un morceau qui se trouve sur l'EP qui s'appelle Pistache et Mondé. D'accord, voilà, ok. C'est le dernier. C'est le dernier. Donc celui-là, on l'écoutera peut-être tout à l'heure en version, mais là, on va avoir la version Mavrika, la version live dans les studios. Donc je vais baisser la petite musique de fond et puis on va essayer de voir. Tu peux essayer de gratter un petit peu sur ta guitare pour voir si tout passe bien, si tu t'entends bien aussi. Je pense que j'ai enlevé le casque. Ah ben après, c'est toi qui vois, hein. Tu te mets pour le mieux. Voilà, c'est pas mal, non? Pour moi, c'est bon. Donc, quand tu veux, tu peux interpréter le morceau, alors. Ok. C'est parti. L'amour insatiable qui voulait tout donner à ces étranges mélopées qui direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, ça nous fait vraiment plaisir. Une guitare, une voix, bah, y a tout ce qu'il faut là-dedans. Hein. L'émotion a été bien partagée. Tu mettais ton casque, donc tu m'as pas entendu parler. Voilà, parce que tu as chanté sans le casque, hein, vraiment avec le son de la pièce. Premier morceau interprété en direct live, c'est le dernier morceau de cette EP. Ça s'appelle Pistache émondée. Ça veut dire quoi, émondée? C'est quand on a enlevé la peau. D'accord. Ben, tu vois, moi, je connaissais pas ce mot-là. Je savais pas que ça s'écrivait comme ça. Je crois que ça doit être la première fois que je le vois écrit comme ça. Bon, en tout cas, très bien. Ben, maintenant, je le sais. Je le sais. Ben, je me coucherai moins bête ce soir ou demain matin. Je pense. Demain matin, oui. Didier est en train de me confirmer. Donc, voilà, premier morceau interprété en direct. Alors, qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'écrire cette chanson? Alors, c'est une chanson qui parle d'amour, déjà. Ouais. Et en fait, c'est l'histoire... c'est une chanson que j'avais besoin d'écrire, du coup, après une séparation. Et du coup, je l'ai écrite un peu comme un point à la fin de la relation. Voilà. D'accord, c'était le point final. Ouais, enfin, c'était... Du coup, une virgule maintenant, mais d'accord, ah bah voilà, comme ça on en sait un petit peu plus. Les choses se terminent bien alors, voilà. Finalement. Très bien. Tu vas nous interpréter un deuxième morceau, peut-être? Si tu veux, maintenant ou plus tard. Comme tu veux. Tu en as combien à interpréter? Pour 2 heures Non, mais je peux vous jouer Kadom, le morceau qu'on a... Qu'on a écouté tout à l'heure, en version Mavrika, alors. Voilà. C'est à toi, quand tu veux. Feeling now, jusqu'à la dernière seconde, on déguste comme ça cette superbe chanson en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et on a des petits commentaires aussi sur Internet. Alors, quel magnifique artiste, quelle voix douce et mélodieuse. Donc, ça nous fait plaisir. Si vous avez des petits commentaires comme ça à dire, vous pouvez nous envoyer sur le Facebook de l'émission Mavrica. C'est très simple. Hein, donc, on est connecté hein, pendant l'émission, même si on vous répond pas tout de suite, parce que on est une émission en même temps. Et puis, je réponds dès qu'il y a un petit peu de musique. Je vous renvoie un petit message. Et ça nous fait toujours plaisir d'avoir des petits retours comme ça de cette émission. Donc, deux morceaux interprétés en direct live à la suite dans l'émission Mavrica par notre ami Léo qui vient nous présenter son EP qui s'appelle This Night. Il y a encore deux morceaux à découvrir de cet album, puisque les autres, on les a déjà entendus, donc soit en version album, soit en version interprétée en live. Il te reste encore combien de morceaux interprétés en live tout à l'heure? On se les garde pour tout à l'heure? Ben, je pourrais vous interpréter, si vous voulez, la chanson Just Friends, qui fera partie de. Enfin, qui sera sur le clip. Donc c'est celle-là qui a été choisie pour le clip. Oui. Alors pourquoi celle-là? Alors il y a un deuxième clip qui sortira. Je sais pas. En fait, j'hésitais. Je savais pas trop sur laquelle faire un clip. Et c'était celle qui me parlait plus et qui parlait aussi pas mal à Lola qui a aidé à la qui a fait la réalisation. Et donc on avait plus d'idées d'images pour Just Friends que pour les autres. Parce que c'est qu'est-ce qui te donne envie d'écrire ces paroles-là? C'est des images déjà peut-être à l'origine, et après il a fallu peut-être reconstruire des images par rapport à la chanson elle-même. Donc c'est un petit peu compliqué. Est-ce que finalement les images du clip correspondent à celles que tu avais au départ? Ou il y a eu une déformation entre temps? Il y a eu une bonne déformation. Alors pour cette musique-là, en fait, j'avais les accords de cette musique. Oui, c'est ça. Alors j'ai écrit il y a un peu de temps déjà, et j'avais les accords et je savais pas trop quoi en faire. Ils me parlaient, mais je les ai gardés un peu sous le coude pendant un certain temps. Et un jour j'ai eu envie d'écrire un texte et ça collait avec cette musique. Au niveau des images, j'avais pas du tout ça. Enfin, déjà, j'imaginais pas faire un clip de cette musique. Et j'avais plus des couleurs un peu violettes au tout début. Et au final, vous allez voir quand le clip sortira, mais c'est le premier clip qu'on a fait en extérieur. Donc ça change vraiment de ce qui a été fait avant, parce que et un peu l'ambiance qu'on met autour qu'on a mis autour des deux EP, qui est très en intérieur avec des couleurs, etc. Là, c'est vraiment un truc qu'on a fait en pleine lumière du jour. Et donc pour la petite histoire de ce clip, donc c'est avec cette amie Lola, elle fait pas mal de photos, et on avait déjà fait des photos au même endroit. À la base, on n'était pas du tout parti sur cet endroit. On voulait trouver du coup, bon, je fais un peu de... Ouais, tu vas nous dévoiler quelque chose. On va commencer à imaginer un petit peu le futur clip. Donc on était parti sur un grand champ comme on en a beaucoup dans l'Indre, et au final, on a eu un problème avec le champ qu'on voulait utiliser n'était pas disponible le jour du tournage. Et du Il y coup, avait la moissonneuse qui passait, non, c'est ça? Non, en fait, c'était la période, c'était août, donc oui, ça doit être une moissonneuse, je sais plus trop. Enfin bon, j'ai deviné. On pouvait pas faire le tournage à cet endroit-là. Donc on a cherché un autre endroit, et au final on a trouvé cet endroit qu'on avait déjà utilisé pour des photos, pour la petite histoire, en fait on devait faire les photos à la dune du Pilat, ça ne s'est pas fait, on est revenu et soudain D'accord. au final on a fait des photos, et c'est un peu notre endroit de sauvetage à chaque fois, j'ai l'impression. Et voilà, donc on a fait le clip là-bas, et au final ça rend c'était mieux que je pense l'idée d'un champ tout plat. Cet endroit, c'était très chouette de faire le tournage là-bas. Donc ben on attend avec impatience justement ce clip qui va sortir la semaine prochaine, tu m'as dit. Oui, c'est alors, ça, tu sais le jour à peu près, non? Oui, il sort jeudi. Jeudi. Voilà. Donc jeudi, nous on sera à l'affût et puis on regardera donc on découvrira ce clip qui a été fait sur la chanson qui s'appelle Just Friends. Mm-hmm. On s'écoute tout à l'heure, hein. Ok, on peut l'écouter en enregistré si tu veux aussi. Comme tu veux. À la limite, on peut l'écouter d'abord la version album et puis après tu nous l'interpréteras. On fait comme ça. Ok, donc le clip va sortir jeudi prochain et donc on invite les gens qui nous écoutent à le partager au maximum. Hein, ça sera sur YouTube peut-être oui, et après tu le partageras sur YouTube, sur Facebook. C'est ça. Ouais, et ça sur d'autres réseaux peut-être aussi. Oui, bah du coup il y a Instagram, Twitter qui. Enfin, je partagerai aussi dessus. D'accord. cette EP que tu as sortie, où est-ce qu'on pourra se le procurer si on veut l'avoir? Alors, bah, je le vends en concert. Après les concerts, je fais des petites dédicaces. J'ai aussi fait quelques petits stickers et des sacs. Voilà, avec le logo et tout. Et sinon, on peut le trouver sur Bandcamp. Du coup, on peut l'acheter en version physique comme ça, enfin le commander. Mmh. Et en version digitale, si on n'est pas trop CD, il y a aussi toutes les plateformes comme Spotify, Deezer et SoundCloud, c'est dessus. D'accord. Voilà. Ok, donc voilà, on ne peut pas passer à côté de cet album. En tout cas, il faut le découvrir. Moi, j'ai trouvé un petit peu drôle. Quoi drôle? C'est tu écris Léo. C'est ta signature, c'est ton logo. Oui. C'est ta vraie signature ou? Non, c'est pas du tout. C'est quelque chose qui a été redessiné. Oui, en fait, c'est vraiment le logo. Okay. C'était il y a presque 2 ans, 1 an et demi. J'essayais de faire un logo et au final j'ai fait ça et voilà. Ça s'est fait comme d'accord. Ça. D'accord. Parce qu'il y a aussi l'histoire, je sais pas si vous le savez, de Walt Disney. La signature de Walt Disney n'est pas du tout la sienne. Hein. D'accord. Il a jamais signé comme ça. Okay. Ça a été fait pour justement faire un logo. C'est un logo aussi. Quand on le voit qu'il signe au début de chaque dessin animé, etc., chaque film de Walt Disney, c'est pas du tout son écriture. Et donc toi, c'est un peu pareil, quoi. C'est un logo plus qu'une signature. Voilà. Voilà, très bien. Et en plus, c'est écrit en assez petit. Alors, je pense que c'est peut-être pour mettre plus d'impact sur l'image elle-même ou, oui, voilà, ou pour que les gens ils aient peut-être à chercher un peu plus, quoi. En fait, c'était pour laisser plus la place à l'image qu'au logo, forcément. Voilà, on l'a mis quand même, mais c'était pour pas empiéter sur l'image, la couleur, etc. D'accord. Tu sais qu'il y a dans l'histoire de la musique, il y a des albums qui sont sortis où il n'y a pas du tout ni le titre ni le nom du groupe. Ouais. Il y en a quelques-uns comme ça. Ça fait partie un peu de l'histoire. Il y a quelques exceptions parce qu'on dit toujours voilà, un album, il faut toujours qu'il y ait le titre. Et il y en a certains qui sont sortis où il n'y a rien du tout. Et donc les connaisseurs le savent, mais sinon il faut le découvrir quoi finalement. Donc toi, il y a quand même écrit ton nom et voilà, c'est bien. Alors d'un côté on voit ton visage, de l'autre côté on voit une main qui est sur un globe, comment on appelle ça? C'est une boule à facettes. Une boule à facettes, voilà, disco. C'est une boule à facettes qui a été utilisée du coup pour le deuxième clip qui sortira en début d'année prochaine. Oui, en début d'année prochaine, donc vers le mois de janvier. Oui, c'est ça. Voilà. Et ça sera le clip de quel morceau? Du morceau This Night, du coup. D'accord, ok. Voilà. Bah, très bien, donc on va attendre les deux clips, mais il y en a un qui arrive très bientôt. Voilà. Et le premier, le deuxième, vous avez déjà commencé à le travailler aussi? Oui, il a été tourné aussi cet été. Donc les deux sont déjà dans la boîte, mais oui, vous allez les diffuser progressivement. Très bien, pour faire durer un peu le suspense. On écoute donc ce morceau qui s'appelle Just Friends. C'est parti. When you hold me in your arms, which feels more you. When you hold me in your arms, can't you see the world is turning? When you keep my hands in yours, do you think we are just friends? 'Cause all I ever learned about love makes me feel so insecure. Into these arms where I fell so fine. 'Cause what I ever known about you was just a weird illusion. keep holding my hands so you hold my soul once more in an unknown place. Retrieve a friend, but what kind of friend? What kind of friends are we? 'Cause all I ever learned about love makes me feel so insecure. And this hour I felt so fine. 'Cause what I ever known about you was just a weird illusion. Et voilà, on l'a découvert, ce premier morceau donc de cette EP qui s'appelle This Night, et donc ça sera le morceau qui illustrera donc le clip. Ce sera plutôt l'inverse, c'est le clip qui va illustrer ce morceau. Voilà, ça sera beaucoup mieux dit. Et puis donc le clip sortira jeudi de la semaine prochaine, donc ce sera jeudi, si je fais le calcul rapidement, on va regarder tout de suite, ça sera jeudi 14 novembre. Voilà, c'est ça, parce que il y a des gens qui nous écoutent en direct, il y a aussi des gens qui vont nous écouter en podcast. Donc c'est notre ami Didier qui fait les podcasts d'après l'enregistrement de Florent, qui nous enregistre toutes les semaines, et vous pouvez le retrouver donc sur la page Facebook. Florent le partage dans les heures qui suivent l'émission, et Didier le repartage aussi sur mavrekaemission.blogspot.fr. Voilà, et si vous tapez .com, c'est pas grave, ça marche quand même. On l'a déjà vérifié à plusieurs reprises. Puis bientôt, ça va être à ton tour de nous présenter donc l'agenda de Mavrika dans quelques minutes, ouais. Pour une fois. Ouais. Voilà, t'es prêt? Oui. Ah bah oui, encore, je me dis, il parle, je monte son micro, mais j'entends pas. Ben oui, il est prêt. Bah oui, parce que le micro, il a été déplacé. Voilà, on écoute encore un petit peu de musique, et puis après, on retrouve l'agenda de Mavrika, où tu vas nous présenter tous les événements, et après, on retrouve à nouveau Léo, hein, reste avec nous, hein, oui. Il n'y a pas de souci. Oui. Léo, est-ce que tu vas souvent à des concerts, toi? Alors, il y a une petite période où j'ai arrêté d'y aller, mais là, je recommence à y aller... Ah ouais. Évidemment. Ouais, bah du coup comme j'avais concert en même temps, bah je pouvais pas et ah ouais, c'est pas évident hein. Quand tu fais des concerts, il y en a d'autres qui en font en même temps que toi, tu peux pas aller les voir. Bon, après ça se programme longtemps à l'avance, donc forcément ça tombe pas toujours très bien. Et puis c'est un peu comme nous dans l'émission Mavrika, ceux qui font les concerts le vendredi, bah pour nous c'est impossible d'y aller quoi. Bah ouais. Par contre, on va les autres jours. Ouais, j'y arrive, moi, y aller le vendredi. Tu pourrais faire un effort. Ouais, c'est vrai que tu y arrives. Ouais, mais moi j'ai plein de trucs à préparer aussi. Donc, voilà. Mais c'est vrai que tout à l'heure, il y avait aussi Annabelle qui était venue dans les studios et qui avait été voir les caméléons qui étaient passés dans un. Au meeting pot à Saint-Jean-de-Bray, qui reprenait les concerts justement avec les caméléons. Très bien, donc les caméléons qu'on a déjà reçus aussi dans l'émission, qui font partie de la Mavrika Family. Alors toi Didier, tu vas nous parler de l'agenda de Mavrika tout de suite? Tout de suite alors. Ouais, ou on envoie un petit morceau? Non, mais on peut. Comme tu veux, hein, sinon il y a des morceaux de Calais. Hein. On s'écoute un petit Patient Z peut-être? Allez, vas-y, mets un Patient Z pendant ce temps-là, je sors les paplats. D'accord, c'est parti, on fait comme ça, on fait ça en direct. Dans l'émission Mavrika, on s'écoute un petit Patient Z, puisqu'ils étaient passés dans les studios de Radio Arc-en-Seine, et je crois qu'il y a aussi de l'actualité avec eux. Ah bon? Oui, j'ai partagé hier, mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Hein. On va regarder ça. Oui, il y a un concert. Ça, c'est Barricade. Creuse depuis des années, dans 100 ans, ils creuseront encore. Pas pour le gaz de schiste, pas pour trouver de l'or. Cacher un secret au plus profond du granit. sacré qui brûle sans limite. Scientifique. On est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, on va retrouver notre ami Didier. Bah, il est Didier. toujours là. Effectivement, je voulais passer Patient Zen, mais avant, on a eu droit à Barricade. Voilà, ça tombe bien parce que j'avais mis dans le désordre. D'accord. Donc, les Patient Zen, effectivement, j'ai retrouvé aussi pendant ce temps-là. Bah, j'ai cherché aussi, j'ai trouvé aussi. Voilà, parce que il va y avoir de l'actualité. C'est le 30 novembre, ouais, donc il y a le temps. Mais bon, effectivement, comme on parle d'eux, autant en dire ce qui va se passer. C'est que si vous aimez ce style de musique, vous pouvez donc retrouver les Patient Zen. Ça sera au Blue Devil. Donc, ça sera. Devils. Ouais. Oh, Blue Devils. Devils. Voilà. Donc, ça sera le 30 novembre à 20h30. Il y aura Patient Z, il y aura VPC et il y aura les Brunettes. Voilà. Et VPC, c'est vraiment très bien. Ouais, donc, moi, j'aime bien. J'aime bien. J'ai eu l'occasion de les voir. Les autres aussi. Hein, mais les autres aussi. Mais VPC, c'est vraiment très, très bien. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour. Disons qu'on connaît beaucoup de groupes de reprises, mais de cette période vraiment rock'n'roll, il y en a très peu. Et finalement, je trouve qu'ils le font très bien et ça m'a rappelé beaucoup, moi, je sais que l'histoire du rock'n'roll que j'ai connu moi. Voilà. Et ils font une reprise de Cure extraordinaire. Ouais, ouais. Donc voilà, un rendez-vous qu'il faudra prendre à la fin du mois. Mmh. Mais avant cela, il y a déjà des choses qui se passent dès ce soir. Bah, dès ce soir, oui, puisque ce soir, on pouvait aller au Marchin Pêcheur. Au Marchin, Martin ouais. Peter, non, Martin Pêcheur. Ouais, t'as voulu faire une contre-pétrie. C'est une contre-pétrie, d'ailleurs. au Martin Pêcheur, donc à Nargis, pour un voyage au Burkina Faso avec le groupe Chakoul Dodo et Fusion Madingue. D'accord. Voilà, donc un programme. La musique... Burkinabé. Dez. Non, Dez. Ça se dit pas Burkinabé. Bah, je sais pas. Burkinabé, c'est pas terrible. Bon, enfin, c'est pas bien grave, mais bon, en tout cas, du Burkina Faso. Ouais, voilà. C'est ça. Et on avait également Ella Rabezon Quartet à Les Copains d'abord à Salbris. Mm-hmm. Pour un petit concert de jazz. De jazz. Voilà, le Before Défi, puisque nous sommes donc le deuxième vendredi du mois de novembre. Donc, Before Défi oblige. Donc, ça se passe toujours au 108. Et là, il y avait deux groupes. Il y avait un groupe de. Un duo plutôt. Ouais, un groupe pareil. Hein. Oui, c'est un groupe. À partir de deux, c'est un groupe. C'est, voilà, tout à fait. C'est un duo Spleen Blues. Voilà. Donc, déjà le blues. C'est pas gay, c'est triste quand même. Donc le blues, spleen blues. Blues, tu vois. Ça doit être quelque chose. Hein, quand même, ouais, tu vas au concert, tu ressors, tu pleures, mais t'es content. Voilà. Voilà. Donc c'est bazar, Tu sais que c'est un peu le principe du fado. Hein. Les gens, ils vont dans le fado, on raconte des histoires très tristes et tout ça. Les gens, ils y vont. Mais finalement, il y a cette mélancolie qui les touche et qui fait qu'ils sont bien. Et ils aiment bien ce côté-là. C'est le côté saudade. Voilà. Donc là, saudade. Si vous voulez du fado spleen. Du blues spleen, oui. Allez-y, donc voilà. C'est peut-être à peu près la même chose que vous allez ressentir. Voilà. Et puis ils sont accompagnés d'un autre groupe qui s'appelle La Cause, L-A-K-O-Z, La Cause, c'est du rock expressionniste orléanais. D'accord. Alors ils se décrivent comme un voyage de canicule en crépuscule, de simulacre en naufrage à la vitesse de l'Orient Express. D'accord. Si t'as compris, va les voir. Ok, c'est pour la bonne cause. On avait Brinzing Trio, donc ça c'était au Novotel à la Source pour un live à la demeure. Donc Brinzing Trio, c'est de la chanson française teintée humoristique un peu. D'accord. Mmh. Les Caméléons, donc qui étaient au Meeting Pot. Mmh. Trio Les Ailes, ça c'est à la Ruche en Seine, c'est de la musique classique. Ça part en live au Club 15, donc le karaoké Grandeur Nature avec des vrais icos dedans. D'accord, très bien. Sled au Croque-Bedaine. Mmh. Et puis on va parler un petit peu de nos amis parce qu'on a des amis de la Mavrica Family qui tournaient un petit peu ailleurs que sur Orléans, oui, tout à Saint-Cyr fait. Sur Loire, au Luce. On avait les Enfants de Panurge. Mm-hmm. Ils devaient jouer avec Dystopia, mais Dystopia annulé. Donc les Enfants de Panurge jouaient Seul. Bon voilà, ils sont assez grands de toute façon ces garçons-là. Voilà, on avait déjà fait un Maverick à live et on a vu ce qu'ils savaient faire. Donc voilà, puis ils étaient au concert ensemble maintenant. Oui, tout à fait aussi, ouais. Qu'on peut citer. Oui. Entre autres. Hein. Entre autres. Ils en ont fait d'autres. Hein. Voilà. Ben, puisqu'on parle de, ensemble maintenant du concert, il y avait Yeti aussi. Il y avait Yeti et Yeti ils seront en concert aussi demain. Ils sont en balade, non, ce soir. Là, ce soir aussi. Déjà. Oh, ce soir, ils n'arrêtent pas. Ils sont en balade au Sunrock, donc c'est un bar à Saint-Symphorien dans le 72. Mm-hmm. D'accord. Ah. Et puis, nos amis de Jacques F, on parlait aussi également ouais, tout à l'heure. On les a diffusés aussi en début d'émission. Voilà, eux, ils sont à la scène à Sens, dans d'accord. le 89. Mm-hmm. Voilà, donc ça, c'était pour la famille. On peut attaquer à demain. Donc là, c'était pour le vendredi. Donc là, on attaque la journée du 9 novembre. Voilà, 9 novembre. Donc déjà, il y a deux dates à retenir demain. Il y a déjà on fête l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. Tout à fait. Donc c'est il y a le bal portugais avec Marie Lisboa. Voilà. Et avec, attends que je me souvienne, parce que j'ai entendu tout à l'heure à la radio, il y aura aussi un groupe qui s'appelle le 25 avril. D'accord. Voilà, qui fera le bal, parce qu'à chaque fois qu'il y a alors, un bal. Alors, 25 avril, pour une raison particulière, je pense. Oui, tout à fait. Bah, vas-y. Tu ne sais pas laquelle. Bah, si, moi, je sais, mais. Ouais. Donc, voilà. Donc, à chaque fois qu'il y a un bal portugais, il y a toujours, quoi, il y a toujours une artiste, voilà, donc ça sera Maria Lisboa. Et derrière, il y a un bal, parce que les Portugais, ils aiment bien aller écouter des chanteurs, mais aussi danser. Donc, il y aura le groupe 25 avril qui fera le bal, qui reprendra beaucoup de chansons, etc. Et 25 avril, c'est simplement la date de la révolution portugaise. Voilà, la révolution des œillets. Voilà, mais je voulais te l'entendre. En 1974. Voilà, mais c'était tellement évident pour nous portugais que bon, c'est vrai qu'il faut quand même l'expliquer au reste du monde. Mais on connaît en France quand même. Hein. Ouais, Nous, Français, nous connaissons quand même la révolution des œillets. Et c'est vrai, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel parce que je crois que c'est une des seules fois où il y a une révolution dans la paix. Quoi. Il y a eu très peu de dégâts, etc. Donc voilà, on est fiers de ça aussi. Hein. Parce qu'une révolution, souvent, c'est pas beau. Hein. C'est non, pas beau. Non. Mais là, bon, pour une fois, c'est nécessaire. Bien passé, c'était bien passé. Mais c'est souvent nécessaire d'ailleurs. Ouais. Et puis également, demain, il y aura un autre événement qui va se passer à la chapelle Saint-Benin. Non. Pas loin de chez toi, à l'espace Berère. Ah bah, ça tombe bien, j'habite pas loin. Voilà, il y aura notre ami Michel, d'ailleurs, qui est en train de filmer là comme un malade. Ouais, donc notre ami Michel Fusée, voilà. Donc ce sera le Mavrika Live 11. Numéro 11. Voilà, 11e du nom. Au niveau des artistes, donc il y aura l'affiche qu'il y avait au départ, il y a eu toute une évolution, il y a eu des changements, il y a eu des imprévus. Bon, des quatre forces majeures, c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance cette fois-ci, mais par rapport aux quatre artistes qu'on avait prévus à l'origine, il y en a que deux qui sont restés et quoi. Et on risquait d'en avoir que deux. Et finalement, on aura quand même les trois. Et du coup, par sécurité, on en a prévu un autre. Alors justement, c'est là qu'intervient le morceau qu'on a passé tout à l'heure. C'est le groupe Barricade qui viendra. Voilà. Il n'était pas annoncé au départ. Et finalement, donc on a Full Tank qui sera là. Eux, ils sont là, c'est sûr. Il y a aussi Le Soupul qui vient de Paris. Ils seront là, c'est sûr. Et chez Kimetz, pour un petit problème de santé du chanteur, donc Francis, il vient de me dire, et ça date d'hier, hein, il nous a dit ok, je serai là pour le Maverick à la F, mais jusqu'au dernier moment on a eu le suspense. Alors pour pas se retrouver à deux groupes au lieu de quatre, on a pris la décision d'en inviter un autre, donc c'est le groupe Barricade qui viendra, et du coup tout le monde sera là. Donc il y aura Full Tank, il y aura Barricade, il y aura Le Soupul et il y aura les Shaking Mets. Vous allez être gâtés, quatre groupes. Alors c'est pas dans l'ordre, ouais, ce que tu as c'est dit pas c'est dans commence l'ordre. Par Le Soupul, ouais, dis-le dans l'ordre, voilà, donc Le Soupul qui ouvrira les hostilités. Donc on va ouvrir, alors déjà on va ouvrir les portes à 18h pour que les gens puissent venir voir les exposants. Voilà. Vous venez, le concert commencera pas tout de suite, mais il y a beaucoup d'exposants. Voilà, il y aura les exposants, pourquoi pas discuter un petit peu avec nous également, puisqu'on sera également là. Il y aura aussi un tatoueur qui sera sur place, donc qui est Skin Tattoo, donc qui sera là aussi également à partir de 18h. S'il y en a alors, j'espère qu'il a prévu un petit flash avec Mavrika. Pour je ne sais pas se faire tatouer Mavrika. Il m'a pas dit, peut-être, pourquoi pas, peut-être qu'il a prévu. Le logo, il est sympa, moi j'aime bien. Donc, à la limite, si des gens veulent se le faire tatouer pour le garder définitivement, voilà. Ouais. Ça peut se faire. Oui, ça peut se faire. Voilà. Ça peut se faire. Donc, il va faire des flashs pour 50 euros, en fait. Voilà, d'accord. Flash. Normalement, j'ai vu aussi avec lui, il fera du piercing aussi, d'accord, ouais. Donc les gens qui veulent se faire trouer, Voilà. Il y a des perforatrices. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc il fait aussi des piercings et donc se mettre un petit bijou là à certains endroits. Donc ça peut être intéressant aussi. Voilà. Donc les portes sont ouvertes à 18h. Rassurez-vous, il y aura de quoi manger sur place puisque. Il y a encore des gens qui m'ont posé la question. Il y aura des sandwichs et à boire. Il y aura ce qu'il faut sur place pour pouvoir manger en attendant les concerts. Les concerts, on va essayer de les commencer le plus tôt possible, vers 19h30, je pense. Mmh, ouais. Voilà. Donc voilà, ce qui va ouvrir le bal, ce sera le Soupul. Le Soupul. Voilà, qui sera suivi de Barricade. Mm-hmm. Et après, on aura Full Tank et on terminera par les Shaking Mets. Voilà. À l'origine, il y avait Joshua Cook qui était prévu, mais malheureusement, il a annulé sa tournée européenne parce qu'il a eu un petit souci aux États-Unis. Il est resté aux États-Unis. Il m'a envoyé un petit message à un personnel très sympathique puisqu'il est américain. Donc, il m'a dit excuse-moi pour mon français. Bon, j'imaginais un petit peu son visage et puis bon, il s'est excusé parce que vraiment, c'est indépendant de sa volonté. Mais il reviendra. Ça va être simplement décalé. Et du coup, Barricade qui était prévu pour le prochain, il sera là cette fois-ci. Et du coup, il devait jouer ce soir au Croque-Bodin. Normalement, Joshua devait être au Croque-Bodin ce soir. Voilà. Oui, tout à fait. Et ça a été annulé aussi. Donc voilà. Ouais. Écoute, je crois qu'on a tout dit sur Maverick Live. On peut parler des exposants aussi. Parce que, j'ai pas la liste, mais toi, tu l'as. Je vais tout dire de tête. Dominique Vidal, pour les gens qui... Il fait des médiators, mais alors des médiators, c'est pas ceux que vous achetez à 1 euro et qui sont tout en plastique. Médiators en boîte de serre, en écailles de tortue. En plein de matériaux avec des bois aussi parfumés, avec pas mal de choses. Donc c'est un monsieur qui vient de la coutellerie, il fait des très belles choses, des médias. Voilà. Donc là, c'est le média aussi. Que vous achetez. C'est carrément des bijoux. Mais il en fait. Hein. Il fait des bijoux que tu mets autour du cou, un médiator percé. Il fait plein de trucs. Donc moi, j'ai eu l'occasion de on l'a déjà reçu une fois dans un Maverica Live. C'était le 10. J'ai eu l'occasion de le voir à la Broken Roll, donc c'était en septembre, si je ne me trompe pas, à Talcy. Et je lui ai dit, si tu veux revenir, tu reviens. Il m'a dit avec plaisir, donc il revient. Voilà, on est content de l'accueillir une nouvelle fois. Il y aura aussi Chapelle Art, donc c'est des artistes de la Chapelle, donc l'association de la Chapelle qui s'appelle Chapelle Art, qui viendra exposer aussi certaines œuvres. Il y aura aussi le club photo chapellois qui ouvrira la mezzanine, qui normalement était fermée, mais pour le concert événement Maverica Live, ils ouvriront la mezzanine. Vous pourrez aller voir leurs photos. Parce que c'est un très bon club photo dans la région. Il faut savoir, le club photo de la Chapelle, c'est quand même un des meilleurs, d'après ce que j'ai entendu dire. Il y aura aussi un illustrateur. Les noms exacts, vous pouvez les retrouver sur l'événement, parce que c'est vrai que je me souviens pas de tous les noms. L'illustrateur, il y aura aussi des photographes. Il y aura Michel Fuset, entre autres. Ouais. Il y aura Morgan Renard aussi qui exposera. Lui, c'est le seul photographe. Il y a double exposition. Oui, parce qu'il fait aussi avec le club photo. Mm-hmm. Et il fera aussi avec les photos des précédents Maverick Live qui ont eu lieu jusqu'à présent. Donc voilà. Qui c'est que j'ai oublié Je pense qu'on a tout dit, non? Il me semble. Hein. Donc de toute façon, le plus simple, c'est qu'il y a un événement sur Facebook. Vous pouvez aller, vous tapez Maverica Live. Alors en un seul mot, par contre, il y a deux majuscules. Maverica et Live. Voilà. Mais c'est un seul mot. Hein. Ça se touche et c'est 11. Donc, et 11 en majuscule aussi. En 11. Hein. Ouais, des chiffres majuscules ou minuscules Je ne sais pas. T'as essayé sur un clavier de taper des chiffres minuscules? Oui, j'essaie. Ouais, t'as pas tout à fait des chiffres. Voilà, donc je vous invite à aller voir tout le détail. Et puis on se donne rendez-vous demain à partir de 18h. Voilà. Donc ouverture des portes. Dernière petite précision sur le Maverick Live 11, au niveau du concours qu'on avait lancé pour les places gratuites, donc j'ai les noms des meneurs. Donc il y a Alain Tessier qui a gagné sa place, Sonia Hernandez qui a gagné sa place également, Fabien Thirier, Benoît Jeanne et Dominique Guillard. Voilà, ils ont été prévenus par mail, ils ont reçu normalement leur petit coupon entrée gratuite par mail, donc ils surveillent leur boîte mail. De toute façon. Et puis qu'ils viennent nous voir à l'entrée, tout simplement. Ouais, et puis on a les noms, donc, de toute façon. On a les noms des meneurs. ils viennent, ils se présentent, et puis on les laisse entrer sans problème. Voilà. Bien, on va continuer parce qu'il n'y a pas que ça non plus samedi soir, il y a aussi d'autres choses qui vont se passer un petit peu sur Orléans. Même si c'est moins important. Voilà. Il y a aussi autre chose. Voilà. Donc, il y aura Gainsbourg et etc. Ce sera au Club 15 à 20h30 pour un PAF de 5 euros. C'est un groupe qui vient de Tours et qui fait des reprises de chansons de Gainsbourg. Voilà. Seul et les humains, donc c'est Samuel Archambault et Pascal Barcos seront la ruche en scène. Yeti sera eux, par contre, là ce coup-ci, dans le 35 à Rennes, au bar Le Gasoline. Et puis il y aura un festival de ska à Châtillon-sur-Loire qui s'appelle The Ska Fever, c'est le deuxième du nom. Ça va commencer à 21h. Il y a trois groupes, il y a 8 degrés 6 Crew, Quartier Libre et The Berbi Seyan. D'accord. Seyans. Avec un S. Yes. Seyans. Voilà, bah écoute, c'est à peu près tout pour demain. Bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. D'ailleurs, j'ai recherché le nom parce que je me souvenais qu'il s'appelait David, mais il s'appelle David Viala, l'illustrateur. Donc un illustrateur que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques temps et qui sera donc à l'exposition. C'est David Viala. Voilà. D'accord. Je pense que j'ai rien oublié d'autre. Je vais quand même regarder en même temps. Ouais, jette un œil. Pendant ce temps-là, je vais parler de ce qui se passe le 10 novembre. Donc dimanche 10 novembre, il y aura Mr. Low and Neon Bingers. Ça est au Track Bar à Tigy pour 19h30. Donc en général, c'est des concerts un peu reggae, un peu ska au Track Bar. Et puis on aura De Ruiz qui officiera la Java Pop à partir de 20h30. Alors ça, je demande à voir parce que 4 personnes, voire peut-être, je crois qu'ils sont, ouais, ils sont 4 ou 5. De Ruiz, ouais. Oui, ça a évolué depuis le jour où on les avait reçus ici. À la donc Java je sais Pop, pas. Ça va faire un peu beaucoup de monde sur la scène. D'accord. Mais bon. Ouais, bon, ils vont serrer. On aura moins froid. Voilà, et puis il faudra bien profiter du week-end parce que sinon il va falloir attendre jeudi pour pouvoir profiter d'autres concerts parce qu'il ne se passe rien lundi, mardi, mercredi. Bah, en même temps, tu sais, en après temps, un week-end. Non, lundi 11 novembre. Moi j'ai remarqué, tu sais, après les week-ends, je mets beaucoup de temps à m'en remettre. Au moins 5 jours. C'est ton âge, toi. 5 jours pour m'en remettre. Ouais. Et après, ça va mieux. Ouais. Donc on va rattaquer directement le 14 novembre. Donc jeudi 14 novembre, il y aura une soirée expression orale. C'est au Club 15 avec Folamort et Soise. Donc à partir des 19h. Ouais, tout à fait, j'ai partagé aussi. Des gens qu'on connaît. Ouais, un monsieur qu'on connaît bien, Folamort. Ouais, voilà, Folamort. Et puis, alias Éric Duval. Et soit c'est Françoise Aurieux. Voilà. D'accord. Et puis Wild Adriatic sera au Blue Device à partir de 20h. Il y aura une jam session au Delirium Café. Et puis We Only Said plus Fuzz Theory seront 108 pour un prix libre tout simplement à partir de 20h. D'accord, tout ça jeudi alors. Tout ça c'est jeudi, ouais. Donc, OK, il y aura aussi la sortie du clip de Léo. Bah voilà. Voilà. Ça c'est important ça. Voilà, il faut le signaler également. Il y a un événement ou un truc comme ça, non Léo? Non. Je l'annoncerai un petit peu avant officiellement sur les réseaux sociaux et après il sortira jeudi. Donc il faut suivre la page Facebook pour être informé. Voilà. Il faut l'aimer aussi la page Facebook. Il faut mettre un petit pouce. Hein. Ouais, ça c'est important. Bah, ça. Oui. C'est bien. Ça coûte rien et puis c'est ça bien. Coûte que dalle. Ça coûte rien du tout. Voilà. Voilà. Les pouces et les partages, ça coûte que dalle. Ouais. Il faut pas s'en priver. Vendredi 15, la semaine prochaine. D'accord. Donc ici il y aura Zbla. Zbla. Zbla. Je crois que ça se prononce comme ça. Bah, comment tu veux le prononcer autrement, Zbla. Zibla ou Bla. Zbla. Ou Zbla. Voilà. On leur demandera. On découvrira la musique un peu. Il y aura Jérôme Damien sera live à la demeure au Novotel à Orléans Sud, donc Olivet. Il y aura Féminin Pluriel, ça c'est au Petit Bouchon rue de la Lyonne à Orléans. Missing sera au Binouz à Saran. Oui. Oui, ça s'appelle comme ça. On n'est pour rien. Hein. Ouais. Madlis sera à la Villa, donc à Saint-Privé. Isabelle Sabatier, accompagnée de Jonas, sera au Meeting Pot, donc à Saint-Jean-de-Bray. Mm-hmm. Et au Café de la Mairie, on en parlait tout à l'heure. Il y aura la scène artistique Star. Donc c'est une fois par mois l'entreprise artistique Star. C'est une société d'événementiel et d'animation qui présente un e-chanteur. Alors je ne sais pas ce que c'est qu'un e-chanteur ou une e-chanteuse. Moi, je connaissais chanteurs, chanteuses, mais eux. Donc, c'est des amateurs. Il s'appelle Pierre Ergobs et il sera accompagné de Julies. C'est pas des chanteurs qui chanteraient sur YouTube ou des trucs comme ça il y en a beaucoup comme ça quoi, qui chantent dans leur chambre et qui s'enregistrent, qui se filment et puis après je pense que c'est pas ce niveau là je pense que c'est un autre niveau, c'est des chanteurs amateurs. Oui, ouais, ça peut être ça. Je pense que c'est un bon niveau de chant, on n'est pas sur le chanteur de douche ou de salle de bain. Non, mais tu as des gens comme ça qui ont été découverts. Il faut savoir qu'il y a certains professionnels qui ont été découverts, ils ont commencé par faire des petits films, voilà, qui ont été suivis de plus en plus. Après, cherché sur internet, ça n'existe pas, eux chanteurs ça n'existe pas le terme. Donc voilà, donc allez voir ce que c'est, donc ouais, c'est vendredi prochain. Allez voir ce que c'est et vous nous le direz, hein. Voilà. Ça c'est important. Il y aura également un coup de projecteur sur la scène, la jeune scène régionale à Saint-Jean-de-Laruelle, donc à la Maison de la Musique et de la Danse, à partir de 20h30, pour une soirée chanson pop et folk avec Grande, Jane is Beautiful et Léonard Léonard. Voilà, c'est 10€ et donc Saint-Jean-de-Laruelle. D'accord. Voilà, soirée française. Ok. Bah écoute, c'est tout, hein. Il ne reste plus qu'à, bah, c'est déjà pas mal, hein. Et à refermer l'agenda avec une petite surprise ce soir. Ok. Ouais. Une petite surprise, c'est-à-dire. Une petite surprise. Non, il nous fait peur parce qu'il me regarde comme ça fixement. Il dit une petite surprise. Je dis, oh là. Écoute, tu sais quoi, je vais juste te dire que c'est un groupe qui vient de Tours qui s'appelle Mirage. D'accord. Voilà, la chanson qu'on va écouter, ça s'appelle Mania. Moi, j'appelle ça du rock progressif, mais c'est pas vraiment du rock progressif, mais ça y ressemble quand même pas mal. Il y a deux voix féminines, il y a un violon, une flûte traversière et une grosse guitare saturée avec. Ils ont sorti un clip, le 4-10 là, de cette chanson-là, de Mania. Et ils ont un EP 5 titres qui s'appelle Muséum, qui est sorti le 11 octobre là, de 2019. Et ce soir, ils jouent au tremplin rock à part au bar Le Sax à Tillou, c'est dans le 37. Et écoute, je te dirai le nom des artistes qui jouent. D'accord, pourquoi hein? j'ai connais ou... Bah, tu vas essayer de deviner qui chante déjà. D'accord. La voix. D'accord, on va écouter. Le piège, c'est qu'il y a deux voix. Donc il va falloir discerner un petit peu le. Voilà, on va dire la deuxième voix à trouver. Et puis, bah, voilà, donc on va conclure avec un petit We Are Rhodes, We Are Young, un We Are Mavrica. You have something on me. to be heard. Just need to die. Don't want anybody to be heard. Just need to Voilà, donc. voilà, effectivement, tu m'avais parlé de voix, donc j'ai cherché un petit peu. Et quand je suis tombé sur la page Facebook de Mirage, donc j'invite les gens à mettre aussi un petit pouce, hein, j'ai vu qu'il y avait Joanne Cantournet qui aimait. Qui aimait. Donc je pensais que c'était la chanteuse du groupe Nid aussi. Non. Voilà, donc. Non, je vais te présenter les icônes vite fait. Ouais. Donc Clément Lebrot, batterie cœur. Flavien Lebrot, donc ça doit être son frère, la guitare. Drayen Labi à la basse. La première voix qu'on entend, qui commence à chanter, c'est Juliette Cogneau qui fait la voix et qui fait la flûte également et qui fait la basse. Et la voix qu'on entend au-dessus de l'autre, enfin à peu près au-dessus de l'autre, c'est Emma Guibert. Elle fait voix, violon, clavier. Et elle est également chanteuse du groupe Tia. Tia, qu'on va recevoir très bientôt. Voilà, donc, le 22 novembre. Et donc Tia qui a gagné Georges Plage. Ouais, ils ont... Donc eux, s'ils reviennent et qu'ils font Georges Plage cette année, c'est pareil, on va prendre la même calotte. voilà, en tout cas, c'est la musique bien agréable à écouter. Et puis, on se calera un petit Tia tout à l'heure aussi. Ouais. Voilà, comme ça, on l'écoutera tout à l'heure. Alors, ça, c'est la chanson la plus calme de l'album, parce qu'après, ils ont d'autres chansons. Il y en a cinq, hein. Enfin, quand je dis un album, c'est un EP. Il y a cinq chansons, et la première, elle part aussi très très bien. Elle s'appelle Someone, elle est vraiment très très bien aussi. Très bien. Voilà. Okay. Mais allez-y, l'album c'est Muséum, on le trouve sur Bandcamp, on le trouve sur SoundCloud. Ok, bah, en tout cas, une bonne découverte ce soir, oui. Le groupe Mirage. Oui. Voilà, peut-être un jour dans l'émission Mavrica. Ouais. Et puis la semaine prochaine pour une autre découverte, vous allez voir. Ouais, d'accord. Voilà, donc c'était l'agenda de Mavrica présenté par Didier Thibault. Oui. Voilà. Et on revient donc à notre invité de cette émission numéro 429. Il s'agit de Léo. Léo qui a déjà interprété des morceaux en live. On a écouté son album. Il nous reste encore un morceau à découvrir. Un morceau qui a le nom d'une grande ville, en plus. Mmh. Oui. Et puis on a encore quelques petites questions à te poser. Alors là, pour l'instant, depuis l'année dernière, donc tu as enregistré cette EP, tu as fait des concerts, il y a des clips en préparation. Est-ce qu'il y a d'autres projets justement? Du coup, le projet déjà de sortir le deuxième clip, parce que le deuxième clip n'est pas complètement fini, il reste plein de montage et tout. D'accord. Et après, il y a recomposer des musiques, refaire des concerts l'année prochaine. C'est un éternel recommencement, quoi. Donc tu as un EP à défendre, le deuxième, hein, donc à défendre, et puis au même temps, tu commences déjà à penser au prochain, peut-être. Oui, un EP ou un album, je sais pas encore. Ça dépendra de ce que je compose, de comment vient la composition aussi. Est-ce que je vois comme un ensemble ou comme des petites choses séparées. Voilà, mais il y aura sans doute des titres qui sortiront. En tout cas, en attendant la sortie du prochain gros projet, quoi. D'accord, très bien. Nous, en tout cas, on va suivre l'évolution. Je propose qu'on réécoute, on revienne un petit peu en arrière avec le premier EP. On écoute un petit morceau, une chanson qui est un petit peu difficile à chanter. Je crois ça. Tu sais, tu connais le titre par cœur, toi, Didier. C'est Sugar Pit. Ouais, tout à fait. En plus, il s'en sort vachement. C'est vrai qu'on a tendance un petit peu à buter parce que c'est pas évident. Non, mais tu mets en doute mon niveau d'anglais, peut-être. Mais c'est vrai qu'on l'avait écouté déjà à Jarjou. Non, elle est dure à chanter. Elle est dure à chanter, mais ouais, parce qu'il faut garder le rythme et tout ça. Ouais. Enfin, moi, elle est bien sympathique et c'est vrai qu'elle marque les gens parce qu'elle est un petit peu compliquée. On l'écoute tout de suite et puis après, on se retrouve à nouveau. C'est quoi le titre, là? Six Finger Fit. Yes. Bon, ça va, j'ai pas trop. Non, c'est bien. Bon, t'as bien répété. Ouais, j'ai bien répété. On écoute ce morceau. Alors, j'ai calé tes deux CD et je me souviens plus dans lequel je l'ai mis. Et comme les deux sont calés avec la chanson numéro 2, puisqu'il y en a une, c'est Paris, et l'autre, c'est Six Finger Fit, eh ben, on tente le coup. Ça va être la surprise. Ben non, c'est barricade. Alors où est-ce que j'ai mis ton CD? Attends, il y a un peu de soucis. Bon, on y va alors, c'est parti. A new life began another day. Slowly, but surely. Slowly, but surely. Coming from different backgrounds. It was explosive. There was something we shared, something that we shared. A feeling that stayed in our peers' mouths. Oh, six fingers fit like we used to say. Six fingers fit like we used to be. Dying links, spite of love. Six fingers fit like we used to say. Six fingers fit like we used to be. Dying links, spite of love. Ideas flow and projects grow. Smooth vision to our mind. This is better. Six fingers fit like we used to say. Six fingers fit like we used to be. And dying links in spite of love. Six fingers fit like we used to say. Six fingers fit like we used to be. And dying links in spite of love. Six fingers fit. Voilà, on l'a écouté cette chanson Six Finger Fit. Donc c'est tiré du premier EP qui s'appelait Léo tout simplement. Ce premier EP, il n'avait pas de nom. Alors non, justement, le nom n'est pas marqué sur la pochette. On parlait de ça un peu tout à l'heure. Ouais. On n'a pas voulu marquer de nom. Il s'appelle Dusk to Dawn. D'accord. Le nom de la dernière musique. C'est la seule chanson qu'on n'a pas écoutée. Je pense qu'on va se la garder pour la fin de l'émission aussi. Si tu veux. Voilà. Tu veux nous interpréter encore des morceaux en direct live? Là, on a encore un petit peu de temps. Donc, pourquoi pas. On fait comme ça. On peut passer un titre ou deux. On passe Paris. Allez, cette fois-ci, c'est bon, parce qu'il y avait Barricade, eux, ils sont pressés de jouer demain, donc à chaque fois, ils sont intervenus dans l'émission. Ne te trompe pas, mais pas Darcy. Hein. Ouais, parce qu'il y a aussi une chanson de Darcy qui s'appelle Paris aussi, très bien. Donc, on va découvrir cette chanson, c'est la deuxième de l'album, on va dire un album, hein. C'est un EP, il a 5 titres, mais il s'appelle This Night, et le morceau qu'on va écouter s'appelle Paris, le nom d'une grande ville que je crois que tout le monde connaît, non? Non. On écoute tout de suite et puis Léo va se mettre en place pour nous interpréter encore une ou deux chansons avant la fin de l'émission. Jamais vécu. J'ai rêvé à Paris, je n'ai jamais vécu. J'ai songé aux étroites rues pavillonnées, à l'écorce des arbres qui tombent. Ah, saccadée, ses lumières brillantes et jaunes. J'aurais voulu marcher et m'approprier ses couleurs, de ses formes. Comprends le sens de sentir, comprends tes sens sans sortir. Alors, je me demande si tout ces choses m'avaient abandonné. À ses espoirs oubliés, à ceux qui m'animent encore, à ceux qui nous quittaient enfants. Voilà, donc le morceau qu'on vient d'écouter qui s'appelle Paris, voilà, le nom d'une grande ville. Alors pourquoi tu as choisi ce nom de Paris? Je ne t'ai pas entendu tout ça. Oui, c'est vrai que tu avais enlevé ton casque parce que tu te préparais à interpréter. Pourquoi tu as choisi ce nom de Paris? Alors, donc, la musique, elle s'appelle À Paris. En fait, elle parle un peu de. C'est une musique qui parle un peu des espoirs, de ce que j'imaginais être ma vie quand j'étais plus petite. Et voilà, j'ai choisi À Paris parce que. Parce qu'en fait, à la base, je voulais vivre à Paris, faire mes études là-bas, et ça représentait bien en fait cette idée d'espoir ou de rêve un peu qu'on ne vit pas forcément, mais qui nous a quand même un peu transporté pendant une période. D'accord. Et finalement, Paris, c'est toujours un rêve? Est-ce que tu as envie d'y aller, ou est-ce que finalement tu dis oh, finalement on n'est pas mal Orléans? Non, finalement. On n'est pas mal Orléans, et si on a envie d'aller à Paris, c'est pas très loin. Ouais, mais c'est un gros avantage aussi. Bah, du coup, Paris, c'est plus trop un rêve, mais ça l'a été, et ça m'a beaucoup porté pendant une période. Voilà, et c'était un peu ça que j'avais envie de symboliser en donnant ce titre. Très bien, ben voilà, maintenant on a l'explication. Et puis maintenant que tu es prête à interpréter un morceau en direct live, quel morceau tu as décidé d'interpréter? Just Friends. Just Friends, donc le morceau de tout à l'heure. En clip. Jeudi 14. C'est ça. Voilà, très bien, à toi quand tu veux. When you hold me in your arms, which fears move you? When you hold me in your arms, can you see the world is turning? When you keep my hand, so insecure into these arms where I felt so fine. Cause what I ever known about you was just a weird illusion. Place where breezes Jusqu'à la dernière note, voilà, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, Léo nous interprète une chanson qui s'appelle Just Friends et qui sera le titre de, du clip qui va sortir jeudi prochain, jeudi 14 novembre. Je ne sais même plus quel mois on est. 2019, voilà. Très bien, en tout cas, bravo en tout cas pour cette super interprétation, un grand moment d'émotion. Il n'y a pas très longtemps, il y a des artistes qui nous avaient dit, parce que je pose une question, est-ce que c'est d'abord les paroles ou est-ce que c'est d'abord la musique qui vient? Et pour toi, c'est quoi? Ça dépend vraiment des morceaux. Parfois, c'est la musique qui va venir en premier ou juste une mélodie, une phrase mélodique, ou parfois c'est des mots, vraiment des choses que j'ai besoin de coucher sur papier, des phrases, ou des thèmes. Parfois, il n'y a pas trop de sens. Oui, il n'y a pas tellement de recettes, quoi, finalement, pour que ça vienne. Et justement, il y a peu de temps, on m'avait répondu une chose qu'on n'avait jamais répondu. C'est avant les paroles, avant la musique, c'est d'abord une émotion. Voilà, et je pense que c'est le plus important. Je pense que c'est ton cas aussi. Tu as une émotion que tu as envie de transmettre par la musique, par des paroles que tu écris, et tu le fais très bien en tout cas. Voilà. C'était le. Tu veux nous interpréter encore un morceau derrière ou on a encore un petit peu de temps, comme tu veux? Bon, je sais pas trop quoi interpréter. Là, t'avais pas prévu, hein, voilà. Ouais. Bon, comme tu veux. Hein. De toute façon, t'es venu dans l'émission déjà deux reprises. Tu reviens quand tu veux, il y a pas de souci. Dès qu'il y a de l'actualité, ben, et que t'as envie de revenir dans l'émission, ben, tu viens nous tenir au courant de tout ce qui se passe. Hein. Et puis, on va encore te poser deux ou trois questions. Et puis après, on arrive à la 27e émission. C'est pour ça que je voulais te donner un petit peu la parole si tu voulais encore. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées que tu voudrais aborder? Je sais pas, il y a plein de choses qui se sont passées cette année. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Je peux peut-être faire un petit parcours de l'année, un petit tout résumé. À fait, tout à fait, ouais, c'est bien, ouais. Donc déjà, on n'a pas beaucoup parlé de Bérénice. Bah ouais, elle est là, elle nous écoute, mais elle a même pas de micro devant elle. Prends un micro, Bérénice, et on va discuter tous ensemble. Hein. Discutons. Discutons. Voilà, donc Bérénice, elle te suit depuis combien de temps déjà? Mars. Depuis mars. Cette année. Ouais, donc la dernière fois que Léo était venu toute seule. C'est ça. Et tu l'as découvert comment, Bérénice? En fait, moi, je recherchais un projet féminin, puisque je suis d'un côté d'Orléans. Donc, j'ai vu qu'elle jouait au Brazy Cup. J'ai écouté et puis je voulais la voir en concert. Donc, je l'ai contactée déjà par Messenger pour voir si elle était déjà accompagnée. Et puis, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, mais je voulais la voir en live, comme on fait à chaque fois. Et on s'est rencontrés au Brazy Cup. On m'a dit oui, viens me voir à la fin du concert, on va discuter. Et puis en fait, on a eu le feeling, quoi. Et on a parlé rapidement de ce qu'elle voulait faire, là où elle voulait aller, et comment on a repris contact rapidement derrière, et on est parti pour l'aventure. Voilà. Très bien. Donc, comment ça se passe entre vous? Tu cherches des dates Alors, en fait, moi, je suis spécialisée dans 360, ce qu'on appelle. Je fais de tout pour un développement d'artiste. Donc, je m'occupe à la fois de faire, bien sûr, de programmer des dates, mais sur une stratégie de développement, donc avec des dates à forte visibilité. Je trouve également d'autres dates qui peuvent l'aider à financer son projet. Donc, en fait, on met en place un certain nombre de choses pour la mettre sur la voie de professionnalisation et faire développer son projet au bon moment, mettre les choses en place comme des résidences, la faire aller en rencontre, la rencontre pardon, de professionnels pour qu'elle puisse se faire identifier, voilà, faire des radios selon son actualité, de la télé, et puis petit à petit partir de la région et faire des tremplins quand il le faut, sélectionner les bonnes dates, savoir dire non aussi. Voilà, c'est tout un tas de choses qu'on met en place pour Léo, pour qu'elle puisse développer son projet et qu'elle puisse éclater aussi et pouvoir en vivre. Voilà. Très bien, bah, en tout cas, je pense que c'est ce qu'il lui fallait, parce que le talent, elle l'a, et puis après, il faut aussi se faire aider, parce que, bon, les artistes, il faut qu'ils restent penchés sur leur art, donc la musique, les paroles, les interprétations et tout ça, et puis maintenant, elle est accompagnée, donc, de Bérénice, qui va lui permettre de développer, et puis de la faire connaître un peu plus, parce qu'elle le mérite vraiment, quoi. Oui, et puis elle est vraiment, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu me dis, si je peux me permettre, quand tu dis oui, les artistes, ils sont là pour créer et puis point barre. En fait, aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Artistes, il faut qu'ils sachent tout faire. Et faut pas qu'ils se reposent en fait sur leur partenaire. Il faut qu'ils continuent même à un moment donné où ils ont plus leur partenaire. Bah qu'est-ce qu'on fait? Donc en fait, faut qu'ils continuent eux-mêmes à trouver leur date. Faut qu'ils continuent à bosser à côté en plus de créer. Donc voilà, ça c'était en l'an. D'accord. Ok. Donc j'ai pas suivi l'évolution moi. Donc excuse-moi. En mais gros, t'es vieux, Alino. Voilà. En tout cas, moi c'est ma façon de voir les choses. Oui, hein. Tout à fait. C'est vrai qu'il ne faut pas se reposer, c'est le danger en fait. Le danger, c'est un vrai partenariat. Voilà. En fait, c'est un vrai partenariat, on se complète. Moi, par contre, je ne rentre jamais dans la partie création. Et puis, bon, si elle veut me demander mon avis, je lui donne. Mais voilà, ça, c'est sa créa, les clips. Voilà, en fait, c'est un vrai partenariat. En plus, quand on est tout seul, c'est compliqué parce que tout repose sur soi. On n'a pas le droit à l'erreur. On est seul sur scène. Donc, elle a travaillé aussi sur l'aspect scénique. Elle a fait un travail formidable de son côté. Depuis le mois de mars, la confiance en soi, enfin on travaille sur plein de choses. Enfin un artiste c'est quelqu'un qui doute toujours de lui. Donc quand on est tout seul, voilà, on a besoin de feedback. C'est d'autant plus, voilà, moi j'aime bien les projets solo parce que justement il y a un vrai lien, il y a un vrai lien. Moi j'aime beaucoup il y a une fusion, enfin. Voilà, c'est des projets que j'aime beaucoup, les projets solo. Il se passe des choses, il y a des émotions, on a le feedback. Ça m'empêche pas d'avoir d'autres artistes, d'accompagner d'autres artistes, mais des groupes. Tu peux les citer, hein, vas-y. Mais j'ai un groupe que j'accompagne au Transmusical, là, qui est assez récent, qui est un groupe hip-hop, qui est pas de la région, qui est de Besançon, qui s'appelle Grand Singe. J'ai déjà vu ce nom-là. Ouais. Voilà, donc ouais. Là, ils sont en plus. Ça fait un an et demi qu'ils existent, mais c'est trois beatmakers et qui ont déjà des projets aussi qui ont bien tourné en France. Et donc, du coup, là, j'ai une mission là, pour les transmusicales avec eux. Après, on verra si on continue l'aventure ensemble, parce que je suis toujours assez prudente. Sur un accompagnement ou du management, faut vraiment c'est pas facile pour les groupes de se faire accompagner aujourd'hui en termes de management, en fait c'est assez particulier, il y en a qui sont pas prêts et puis il y en a qui tournent très bien sans, donc je fais attention. Voilà. Je suis prudente. Je pense qu'à apprendre, je m'éclate comme c'est je C'est vrai que c'est un accord. C'est un accord, et ouais. Puis il y en a qui sont pas prêts, qui voient pas les choses de la même façon. Voilà, il y a des types de management qui sont différents. Puis moi, je suis une femme dans un monde où la femme n'a pas toujours les possibilités de pas de s'exprimer, mais je dirais, enfin, parce que je vais rentrer dans des débats là après, mais je dirais, faut faire sa place. D'accord, dans le monde de la musique. Mmh. Et en tant que management, on n'est pas toujours pris au sérieux. Et il faut bien sûr, comme beaucoup de postes féminins, il faut toujours déployer 300% en fait de capacité et faire ses preuves sur une longue période pour se dire voilà, ben moi j'ai ma place, voilà ce que je sais faire, voilà où je vais et voilà ce que j'arrive à faire. Donc je parle beaucoup, hein. C'est bien, on t'a donné, et on aurait dû te donner la parole beaucoup plus tôt, ouais. Parce que j'avais l'impression que tu voulais pas trop intervenir, et finalement, t'avais plein de choses à dire. Plein c'est de choses à dire, parce que, voilà. Non, mais c'est que, c'est bien la fin, quoi. C'est cool. Très bien, en tout cas. Bravo. Voilà. Mais je suis avec Léo et je suis super contente d'être avec elle, je m'éclate bien. C'est important aussi de prendre du plaisir. Très bien. Tu as aussi accompagné certains groupes. On a parlé tout à l'heure des Blues Factory, aussi oui, alors, de Patient. Alors, The Patient, voilà. Bah, ça, en fait, l'aventure a commencé vraiment sur The Patient. Ouais. Où là, on commençait à avoir un niveau de. Lui, il voulait se professionnaliser, il voulait vraiment aller loin. Donc en fait, moi, ça m'a obligé moi de mon côté à moi me professionnaliser, à savoir où je voulais aller aussi. Et puis pour l'accompagner, je lui ai dit ok, mais à condition que je le fasse pas n'importe comment. Et moi, je veux savoir où je vais. Donc j'ai attaqué un certain nombre de formations, comme les formations d'Issoudun. Après, je suis allée à l'IRMA aussi. J'ai eu d'autres formations que j'ai pris sur le juridique, un peu tout ce dont j'avais besoin. Après c'est la rencontre des artistes, mais The Passion, ça a été le déclencheur, on va dire, pour moi aller plus loin en fait. Voilà. Très bien, c'est bien de te connaître un peu plus, parce que moi je te connaissais comme ça, je t'ai déjà vu à plusieurs reprises, justement ici tu es déjà venu à plusieurs reprises ici dans les studios, tu as suivi les Blues Factory que tu avais un peu découvert dans l'émission, je pense. C'est chez vous à chaque fois, parce que les Blues Factory c'était chez vous, The Passion c'était chez vous. De toute façon c'est simple, les meilleurs artistes passent dans l'émission Mavrica, de toute façon on peut pas faire autrement, c'est un passage obligé. Ouais. Et d'ailleurs on a beaucoup de demandes, c'est hallucinant le nombre de demandes qu'on peut avoir pour passer dans l'émission. On a une liste pour le 2020. Si je les calisé tous, on aurait de quoi pratiquement tout combler. Parce qu'on se sent bien chez vous aussi. Ils choisissent leur date et on les cale. Tout à fait, oui. Mais j'en ai un paquet. Donc au fur et à mesure, Le fichier, on répond une date et puis on. Ouais, on leur cale. Mais on l'a vu aussi à plusieurs reprises. C'est bien de caler les gens. À un moment, j'avais 6 mois d'avance et puis finalement, avec 6 mois d'avance, c'est pas évident parce qu'il y a toujours des désistements. Des dates après, il y a des groupes qui. Moi, j'ai des groupes que je devais recevoir qui ont clashé avant même d'arriver dans l'émission. Donc il y en a eu comme ça, il y en a d'autres qui ont fait d'autres projets, etc. Donc on a 3 ou 4 mois d'avance, ça suffit amplement, ça sert à rien de caser. On les met dans une petite liste et on voit au fur et à mesure. Il faut pas se précipiter. Je pense que c'est la meilleure manière. Avec l'expérience que j'ai, après 10 ans, je m'aperçois que il vaut mieux que ce soit comme ça. Voilà. Voilà, parce qu'avant, c'est vrai qu'on avait pratiquement 8 mois d'avance, des fois. Et 8 mois d'avance, non, il y avait tellement de changements, tellement de trucs, et on s'en mêle un petit peu. Voilà. Donc là, on a quoi ? On a 2 mois d'avance. Bon, voilà. Jusqu'à février, là. Ouais, c'est ça. Donc, et puis j'ai une liste qui est sur la marge. Là, je l'ai passé dans le fichier qu'on s'envoie régulièrement, parce que Didier est au courant aussi, avec plein d'artistes qu'on doit caler, auxquels on doit caler une date. Voilà. Très bien, bon, je pense c'est bien que tu sois intervenu, Bérénice, en tout cas. Et puis on est vachement content de recevoir Léo à nouveau. On a fait une émission qui est passée très très vite. On arrive à la fin de cette émission. Merci de nous avoir accueillis. Oui, mais attends, moi j'ai une petite question. Ouais, vas-y. Ouais. Je voudrais savoir qu'est-ce qui te reste à faire là. Si on arrive à la fin de l'année. Mm-hmm. Finir l'année en beauté, qu'est-ce qui te reste à faire pour qu'elle soit vraiment. Finir en beauté cette année. Il y avait passé dans l'émission, ça c'est fait. C'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire Eh bien, je pense à part que... le clip, parce que là, il est fait. Le clip aussi, ouais. Je pense que je vais finir l'année un peu dans mon coin. Je vais composer, retrouver un peu... ça fait longtemps que je n'ai pas pris le temps de mettre en forme ce que j'écris et les idées que j'ai. Donc là, ça va être un petit moment de composition. Sinon, Il se passera ce qui se passe. Je sais pas, il peut se passer plein de trucs en 2 mois. Donc... Ah oui, encore un petit peu de temps. Voilà, en tout cas, on te souhaite beaucoup de bonheur dans les mois, dans les années qui viennent. Hein, voilà. J'espère que c'est vraiment le début d'une longue carrière. Et en tout cas, j'espère aussi. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas, pour la fin de l'année et pour les années qui viennent. Voilà. On arrive à la fin de cette émission. Il va falloir qu'on dise les phrases magiques. Vous les connaissez, vous, les phrases magiques? Sinon, Didier, il va vous les souffler. Hein. Vas-y, commence par la première. Que le rock'n'roll soit avec vous. Que le rock'n'roll soit avec vous. La deuxième, Everything is gonna be alright. Voilà, ça, c'est un petit peu plus dur. Ouais, elle est en anglais, mais bon, c'est vrai qu'à force, on la maîtrise, celle-là. Everything is gonna be alright. Et la troisième, c'est une vie sans musique. Bah, ça serait une erreur. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord à ce niveau-là. Il y a notre amie Irène qui nous a fait un petit flash avec le téléphone. Donc, on lui fait un petit coucou et un gros bisou, en tout cas, pour cette fin d'émission. C'était l'émission numéro 429. La semaine prochaine, c'est la 430. Donc, avec le groupe Zbla. Tout à fait, Zbla. Je suppose que ça se dit comme ça. Est-ce qu'on met un accent dessus? Je sais pas si c'est de l'anglais. Enfin, on aura le plaisir de les découvrir la semaine prochaine. En attendant, restez calés sur le 96.2 MHz. Parce qu'il y a plein d'émissions différentes avec des artistes différents et des animateurs différents. Voilà. Et puis demain, n'oubliez pas, il y a le Maverick Live numéro 11 à l'espace Béret à partir de 18h. Et on sera tous là. Il y aura des exposants, des artistes qu'on a déjà cités. Venez, on va passer un bon moment, ça c'est certain. Voilà. L'émission arrive à sa fin. Merci Bérénice, merci Léo d'être venu. Merci à Michel aussi, voilà, qui sera demain il aussi. Il nous a pas paralysé. Il y a eu des photos, des films, tout ce qu'il faut. Je l'ai vu, il a bougé, il a pris des trucs, je sais pas quoi, mais il a pris. Voilà. Et on arrive à la fin de cette émission. Et avant de rendre l'antenne, eh ben, on va vous diffuser des morceaux comme on fait d'habitude pendant qu'on prend les photos. Parce qu'on va prendre des photos et puis les photos seront postés dans le courant de la semaine comme on le fait régulièrement. Donc vous avez pu voir les photos de la semaine dernière qui ont été postées le mercredi ou le jeudi. Ouais, je crois que tu as fait ça mardi et moi j'en ai refoutu jeudi. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Bon, souvent le mardi ou le mercredi, elles sont postées. Voilà. Et puis il y aura la vidéo demain normalement. Je devais la mettre aujourd'hui et fait. Ouais, mais il y a du travail, et puis après, il faut aussi qu'on arrive à faire d'autres choses, et puis. Non, mais la vidéo est faite, donc voilà. Et puis hier, on avait été voir les Elixirs au Delirium, on l'a pas dit. Oui. Voilà, on a passé un bon moment avec eux. Un très bon moment. Des gars super bien qui ont déjà participé à Maverick Live, et on continue de les suivre avec beaucoup de plaisir. Non, ils ont fait le boulot, hein. ils ont chauffé à blanc le Delirium. Ouais, j'ai vu, tu as posté aussi des vidéos. Ouais, c'est pas terrible la vidéo, parce que la lumière rouge, c'est pas génial. Ouais. Et puis demain, il y aura pas mal de membres de Elixir qui sera aussi au Maverick Alley, il faut venir. Voilà, cette émission est terminée, restez avec nous et puis on va finir par le dernier morceau qu'on n'a pas diffusé. C'est le nom du premier EP de Léo qui s'appelle Dust to Down. Voilà, cette émission est terminée, merci à vous. Merci à toi, à très bientôt. Au revoir. Lui. Au revoir. Ouais, alors ça c'est bien, le CD, il s'est endormi et puis j'appuie sur le truc et il s'est éjecté. Donc, tu crois qu'il n'y a que le CD qui s'est endormi là? Non, il y a certains auditeurs qui sont peut-être endormis aussi. Et nous en tout cas on n'est pas réveillés. Voilà. On recale tous les morceaux. Alors on a un truc, on tourne toujours dans le même sens, mais j'arrive pas à dépasser. 1, 2, 3. Là je suis embêté. C'est une valse. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à avoir le 3, c'est parti. Allez, ciao tout le monde. Feels cold. hope you'll be there to comfort me. I wanted you for a certain

fermée de Robocop, ivre de violence. Carlo Giuliani, tu es mort dans le silence. Face au gazage, au flash, Gaultier borne du taser. Ils se sont groupés, résolus, solidaires. Mais c'est le Black Bloc, les mêmes blagues. Mais c'est le Black Bloc, ils n'ont pas que ça. Ouais, c'est le Black Bloc, font peur aux bourgeois. Mais moi, je les aime bien, je crois. One, two. Des syndicats, des formistes et des banquiers. Pourtant ce nom, ce n'est pas eux qui l'ont trouvé. Chasseurs Bloc, ce sont les policiers. Nos patchets se regroupent par affinité. Ne se contentent pas de marcher ou pas de défiler. Refuse d'écouter les sonos syndicales. Au slogan, ils préfèrent l'action radicale. Car c'est le Black Bloc, les mêmes blagues. Ouais, c'est le Black Bloc, ils n'ont pas de costard. Ouais, c'est le Black Bloc, qui peur aux bourgeois. Mais moi, je les aime bien, je crois. Mais c'est le Black Bloc, et ils n'ont pas que ça. Ouais, c'est le Black Bloc, ils veulent au choix. Mais sous la gerbe, ça rend fiévreux. Comme on entend toutes ces foutaises, une chanson d'amour à deux balles. C'était par un genre idéal, ça fait frémir la ménagère. Quand elle est plus, c'est pas de terre, c'est pas de terre. Pour faire plaisir à maman, il faut du chant et du vent, de la pariétoche bien brave, pendant qu'elle découpe ses betteraves. Une chanson du genre que tu sifflotes, pendant que tu dis tiens, j'irai bien au chiottes. Un air à la con qui reste dans la tête, trois notes de merde qui vont joyeux. Comme si on disait tiens, il reste du cake, comme si sur ta bagnole venait de changer les pneus. Pas grand chose pour faire plaisir à mes mères. Il faut vraiment pas grand chose pour sentir le beurre éphémère. Un Gérard le Normand de derrière les fagots. Une comédie musicale avec deux trois blaireaux. Un air à la con qui reste dans la tête. Trois notes de merde que tu sifflotes. Comme s'il y avait trop beau sur les rillettes. Comme si d'un coup Pépère n'avait plus la tremblotte. Yeah.

dans un quartier en ruine. Des gravats, des blocs de pierre. Une maison finie de brûler. La fumée cache un peu la misère. Des femmes qui pleurent silencieusement. Traces rouges sur des murs blancs. Des hommes qui hurlent leur colère. Le sang se mêle à la poussière. Gaza, Gaza. Depuis des jours, s'abattent des bombes. À chaque instant, la terre tremble. Pas d'issue, pas d'échappatoire. Tous les ghettos se ressemblent. Certains pays ont tous les droits. Combien d'enfants tués au nom de la foi. Combien de crimes pour que s'émeuvent les nations. Les pauvres ne sont que des pions. Gaza, Gaza, Gaza. loin de nos actions indébiles qui nous ont rendu trop fragiles. C'est juste une petite parenthèse. Silence, tire au silence. get up, need them briefs in 45 per day. Degrees. The time has come to say this fair, to pay the rent, how to pay our share. The time has come, oh, to fight the fight. It belongs to them. Let's give it back. I can only dance when I heard it's turning. How do we speak while our beds are burning? signe t'attend. Oh, ma prince signe, je t'attends. Il fera beau tout le temps, et tu auras toujours le rire de tes cinq ans. I'm not afraid to Before the crime.